Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Cette ville est un champ de bataille, et cela depuis maintenant bien longtemps. Depuis le jour où nos ancêtres ont posé le pied sur cette île maudite, nous n'avons eu de cesse de nous entre-déchirer tout en criant à tue-tête que nous vivions en paix. Comme une âme en peine, nous répétons sans cesse le même drame. Les conditions changent, les perpétuateurs aussi, mais le massacre ne s'arrête jamais. Cela fait trop longtemps maintenant que la sauvagerie dans nos rues est restée tapie dans l'ombre, s'attaquant aux victimes qui ne feront que peu de bruit. Elle se révélera à nouveau aux yeux de tous dans un grand fracas, comme elle le fait toujours. Cette ville est au bord du gouffre, un monstre qui n'en finit pas de se dévorer lui-même. Empoisonnement des eaux par le Joker, jeu de piste sanguinaire par l'homme mystère, double braquage obsessif par Harvey Dent, élimination brutale de la concurrence par le Black Mask, destruction des esprits par l'épouvantail, et tant d'autres. C'est une obscène criminalité bien particulière que nous avons cultivée ici. Le vide laissé par la disparition du Romain, Falcon, a appelé à la surface des monstres dont personne n'aurait suggéré l'existence. Et tous les efforts des mafias et gangs plus traditionnels pour reprendre la tête du crime organisé n'ont jusqu'ici pas payé. Cette ville, après la dernière attaque chimique en date, a lentement basculé dans une névrose d'un nouveau genre. Apeurée par le chaos, la population a porté à la mairie un mégalomane qui n'a eu, face au cœur battant de la criminalité East End, pour réponse que l'idée de l'emmurer. La zone d'urgence Net Security mérite bien le nom que les médias lui ont trouvé, Arkham City. Un asile à ciel ouvert, où la population, pour la plupart souffrant encore des méfaits toxiques de l'épouvantail, n'a d'autre choix que d'en revenir à la loi de la jungle pour survivre, où les gangs, au service ou non de The Whale, constituent maintenant une autorité plus stable que la Nets, criminels de guerre et autres mercenaires aux attitudes de pierre, censés ramener les lieux à la civilisation. Mais il y a autre chose, une menace éthérée qui plane, et qui a beaucoup échappé. Des chiffres incohérents, des rapports sans queue ni tête. L'argent bouge, s'évapore, mais il ne réapparaît nulle part, pas même à l'international. Des groupes, sans avenir autrement, se retrouvent soudainement armés, comme les fanatiques du Cauldron, qui portent la marque de la chauve-souris, comme les sectes nihilistes à la gloire du Joker, ou encore la renaissance du My Alibi, Our Alibi, sous une nouvelle direction, qui lentement mais sûrement grignote le cœur de son quartier en espérant s'étailler une part de roi. Des fusillades ont eu lieu chez les Slaves. Certains se prennent pour Akab et espèrent harponner le monstre albinos qui dirige jusqu'à peu les environs d'une pointe de fer. La veille attendait le long d'un quai la figure imposante et sombre d'un criminel de guerre en exil qui a pu accueillir ses confrères, déposés par les soins de Milo. des hommes de confiance, des hommes durs, des hommes qui seront bien vite mis à profit par la nouvellement créée organisation criminelle yougovienne, encore sans territoire mais affamée à l'idée de s'en tailler une belle tranche. Le feu, le sang et l'obscurité vont bientôt jaillir à Arkham City et englober toute la ville. Après la mort de Voka, chacun se rêve maintenant sultan. Et The Whale ne répondra pas mollement à la remise en question de son pouvoir. Little Medina se referme sur elle, plus personne n'y passe maintenant, ils savent ce qui se prépare. Le quartier hispanique s'agite et forme toujours plus de liens avec le culte qui dirige Robinson Park et les gangs noirs de Kingston District. Les Irlandais et les Ukrainiens, toujours fidèles à la baleine blanche, se renforcent chaque jour et toujours plus d'hommes de Boudaven. Les tensions avec les gangs slaves ne peuvent qu'annoncer qu'une chose, la guerre. Et personne ne sait si c'est de cette étincelle que surgira l'incendie ou si elle s'éteindra d'elle-même. Mais pendant ce temps, dans le silence absolu, suspecté seulement de peu de gens, le gang du Hour Alibi se meuvent à nouveau. Un convoi de lock-ups est conduit par quelqu'un qui ne devrait pourtant pas être aux commandes. Grimé, presque irreconnaissable, Marco Fetisov, vétéran des guerres de Yougovie, transportant à l'arrière de bien singulières personnalités. Pille, cambrioleur désabusé, au visage scarifié et à l'humeur tout aussi blessée, la victoire droit dans les yeux, le doute à l'arrière de la tête. JB, agité du bocal, dont l'efficacité au clavier n'est plus à démontrer et ne va qu'en s'améliorant depuis qu'il a relevé le pied sur sa consommation d'ecstasy. Et Ruby, criminel au casier frôlant le terrorisme pour avoir participé aux agissements neurotoxiques de l'épouvantail, encouragé par son psychologue à prendre les commandes de sa vie. Yasmine, elle, usant de son talent fantasmagorique à retourner les esprits, attend sagement, salivant presque comme le loup dans la bergerie. Une fois l'opération véritablement lancée, elle aura beaucoup à faire. Mais elle n'en doute pas, tout lui est possible. Quelques secondes encore et vous voilà enfin face au Diamond Exchange, dans la rue arrière, posant votre camion lock-ups face au sas de sécurité prévu à cet effet. Rapidement, les yeux se posent sur vous, à travers les vitres blindées. Un responsable va venir vous voir. Préparez donc vos mensonges, armez vos cœurs, qui sait donc si les choses se passeront au mieux. Vous avez seulement quelques secondes pour échanger vos derniers mots. Vous sentez cette sensation dans les tripes? Ah non, sentir, c'est juste que je me suis pissé dessus, t'inquiète. J'ai déjà connu ça, et je vous rassure les gars, ça s'est très mal fini. De quoi? La pisse? Je sens plus rien dans la suite, depuis qu'une grenade a explosé. Vous êtes con. Non mais plus sérieusement, j'ai ressenti la même avant le braquage du musée. Mais alors comme ça, jamais. Ah, moi je le vis tous les jours quand je vois des choses. Aujourd'hui c'est du sérieux. Là, si on arrive à faire ce casse, on rentrera vraiment dans la cour des grands. Et on aura le budget pour s'y placer comme il faut. On va y arriver, on s'est préparé pour. Il y a intérêt. Puis qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Bon Marco, on a pensé à toutes les possibilités. Marco, on compte sur toi. Ça fait un mois que tu bosses dans cette boîte, tu connais les habitudes des uns et des autres, tu sais, tu connais la procédure. Ruby, avec les informations que nous a donné Yasmine et les emplacements, normalement tout devrait bien se passer. N'oubliez pas que dès que vous vous retrouverez au niveau du coffre, c'est là que toi JB, tu feras parler tes doigts de fée pour mettre à mal l'électricité du secteur ou de la ville, ça dépend ce que tu as envie de faire. Mais il est fort probable que une fois que tu feras ça, peut-être pour des raisons de sécurité, le coffre se refermera et vous serez probablement à l'intérieur. Vous deux. Ce sera le moment où, je l'espère, On aura réussi, grâce à notre Yasmine préférée, à peut-être neutraliser ceux qui s'occupent des caméras là-haut. Et vous pourrez, je l'espère, faire le changement, l'échange avec les diamants qui sont cachés dans le compartiment secret. Et normalement, si tout se passe bien, bien sûr, eh bien, on pourra repartir de là, ni vu ni connu. Je sais pas vous, mais moi, ce soir, je me rase le crâne. Ni vu ni connu, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Alors voilà, je le dis haut et fort, si tout se passe bien, boule à Z. Je vous l'avais dit, perruque, vous pas écoutez-moi. Vos problèmes. Moi, si tout se passe bien, j'arrête l'alcool. Déjà, arrêter la drogue, c'est déjà pas mal. Moi, si ça se passe mal, je t'arrête toi. Bon. Et toi, Pille, si ça se passe bien, qu'est-ce que tu fais? Oh, si ça se passe bien, on a encore beaucoup de choses à faire. N'oubliez pas que après ça, on a Black Gates a vidé de ses occupants et encore moult choses à faire derrière, donc j'aurai pas le temps de m'arrêter à ça. Une fois que les gars de Black Gates seront à nos bottes, on sera les rois d'Arkham. J'espère que tu dis vrai. Mais là, il faut déjà réussir notre case pour ça. On n'a pas le choix de réussir. Et sur ces mots sages de Pi, en effet, commence à s'approcher du véhicule, donc un garde de la sécurité, accompagné d'un ce qui semble être un responsable. Sûrement pas le plus haut des responsables, mais quelqu'un qui est chargé de vérifier que tout se passe bien. Comme je vous le dis, vous avez le camion donc face au sas de sécurité. Il n'est pas présent sur les cartes que je vous ai données, qui sont dans notre collective. Mais il est, disons, à l'arrière du rez-de-chaussée, quasiment à côté, en face de la porte qui mène à la partie qui s'appelle galerie et échange. Vous êtes donc face à cette partie-là et l'homme s'approche du véhicule, attendant a priori que quelqu'un sorte, lui montre les papiers. Ok, j'y vais. Je vais dire Marco. Ils te connaissent, toi. Très bien. En effet, donc tu lui présentes les papiers. Je vais demander à qui voudra bien, parce que ça ne dépend pas vraiment de Marco, même si Marco peut se porter volontaire pour faire le jet, de faire un petit jet rétroactif pour juger la capacité qu'a eu Jean-Baptiste et votre contact qui sait faire des faux papiers. Pour donner à Marco en particulier une nouvelle identité et ce genre de choses. Bah, ce sera sans doute à moi de le faire, je pense. Tu peux le faire. 39, très bien. Très bien. Donc, notre cher Michael Honor, né dans le Wyoming, ayant travaillé déjà pour des entreprises de sécurité à l'ouest des États-Unis, non loin de Los Angeles, et qui a déjà fait un petit passage, paraît-il, en France, dans le même domaine, a été bel et bien embauché sans trop de difficultés par l'entreprise donc, que je vous ai nommée Lock Us, qui est une des nombreuses entreprises qui s'occupent des déplacements de fonds à Gotham. Il faut dire que la compétition est rude à Gotham dans ce domaine-là, vu que aucune de ces entreprises ne peut dire qu'elle n'a jamais connu d'opération ratée. Marco, donc, tu présentes les papiers donc, du véhicule, les papiers de ta personne, les papiers aussi donc, du fait qu'ils attestent que tu es bien là, sous ordre de ton entreprise, et que tout est en ordre. Le responsable regarde les papiers, qui, pour ce qui est des papiers qui viennent d'entreprise, eux sont parfaitement légaux et en règle, hein, ils ont été donnés par l'entreprise. Et il ne semble pas être particulièrement chagriné par quelques détails que ce soit. Il te fait donc un hochement de la tête et il te dit « Faites ça vite, on a pas mal de monde aujourd'hui et ça va être gênant si on doit garder les portes fermées trop longtemps. Okay. » En effet, à votre connaissance, grâce aux informations de Yasmine, vous savez que lorsqu'il y a chargement ou déchargement de fonds et de ce genre de choses, la porte qui mène vers la partie galerie et échange donc est fermée du reste du complexe pour éviter que trop de gens puissent passer, pour que dans le malentendu des gens puissent récupérer quelques sacs ou ce genre de choses, ou que ça facilite trop les braquages de gens qui se seraient cachés parmi les clients. Je vais vous demander donc, maintenant que vous avez l'approbation, ce que vous faites. Le responsable, lui, va simplement s'écarter, il va rentrer à l'intérieur des locaux, sûrement retourner à ses affaires, tandis que le garde de sécurité, lui, reste à côté du véhicule, attendant la suite de votre mouvement. Normalement, dans l'idée, ils sortent avec un espèce de chariot à roulettes, mais qui fasse un peu costaud, tu vois, genre, c'est pas... Voilà. Et comme c'est toujours des binômes, donc c'est Ruby qui, normalement, doit l'accompagner. Donc ils sont, effectivement, équipés de... Comme n'importe quel convoyeur de fond, ils ont quand même une arme de service, mais c'est tout à fait normal pour ce genre de job. Et dans la logique, tu as un soutien qui reste au niveau de l'arrière du véhicule, qui est là si jamais il y avait un souci pour aider s'il y avait une agression. Et donc là, c'est JB qui techniquement peut passer du véhicule à l'arrière du véhicule à n'importe quel moment. Et tu as le chauffeur qui est moi, puisque je peux pas forcément montrer les vitres sont un peu camouflées, donc on voit pas bien l'intérieur. Et les vitres très étroites. Ouais, voilà. Et en gros, tu restes. Il y a toujours un conducteur qui reste toujours au volant. C'est obligatoire. De toute façon, c'est le vrai truc. De toute façon. Et vous rentrez tous les deux, et bon, j'imagine qu'on a tout bien fait pour que vous sachiez ce que vous ayez à faire, et que Marco est déjà venu ici plusieurs fois. Il sait les procédures qui sont normalement mises en place pour ce genre de choses. Donc, c'est en tout cas ce que vous avez compris de la procédure. Est-ce qu'elle est exacte pour celle-ci? Peut-être. En tout cas, vous avez... un peu sonder l'entreprise Locus ainsi que les formations qu'a Yasmine, c'est le mieux que vous avez pu faire. Yasmine, d'ailleurs, de ton côté, tu es à l'intérieur du Diamond Exchange et, tout comme pour Marco, je vais te demander un petit jet pour savoir, disons, rétroactivement à quel point tes faux papiers, ta fausse identité a été bien confectionnée par JB Et votre cher ami adepte de faire des faux papiers qui était, il me semble, la contact de Ruby. Six, pas mal. Et bien, c'est la teinture, ça fait tout. Ouais, c'est la fille du patron. Des faux. Même le patron, il a pensé que vraiment tu étais sa fille. Salut, coucou, tu veux un café? Je vais te demander, parce que toi du coup tu n'as pas l'honneur de Michael Honor d'avoir déjà une identité qui a été créée autrement. Est-ce que tu as une envie pour ta fausse identité, un nom, un prénom, un passif? Là je te le laisse parfaitement libre vu que bon, vu le résultat, tu peux le personnaliser autant que tu veux. Attends, bouge pas. Petit name generator, pas du tout sur... Quoi? Moi? Fake name generator? Non, pas du tout. D'ailleurs, moi aussi, je vais l'ouvrir parce que j'en aurais peut-être besoin. Le nom de famille, je m'en fiche. Tu mets ce que tu veux. En vrai, j'ai la flemme. On prend un truc de fake name generator. Et je prends Pamela en prénom. pour la... Oh, mais là, Callaway. Callaway. Très bien. Alors, ce sera donc Pamela, et on va prendre un nom. Hop, au hasard. Ouh, c'est quoi, c'est ça? Attendez, il faut freiner notre truc, parce que c'est pas moderne, ça, comme nom. Ok, Pamela Allen. Oui, donc Pamela Allen, est-ce que tu as un passif que tu aimerais développer, des petits trucs comme ça, dis-moi. Où est-ce que tu as déjà travaillé? Quel est le... Pour quelle raison une entreprise aussi prestigieuse que Diamond Exchange t'aurait récupéré? Si je me trompe pas, du coup, je suis au niveau de... Enfin, je... C'est quoi exactement le poste que j'ai infiltré, du coup, que j'ai pu être... Mais, choisir, parce hein. que, du coup, bah, savoir à quel point j'ai réussi... Enfin, quel poste j'ai réussi à choper... Bah, t'as fait 6, donc... là-dedans. Sur le boulot. Bah, après, peut-être le 6 n'excuse pas tout, il y a moyen... Secrétaire que, du patron. Tu n'as pas eu un poste directement en rapport avec la sécurité, mais tu okay. as eu un poste, je n'inventerai pas un nom, quoi que ce soit, parce que je ne sais pas, mais un poste, disons, à certaines responsabilités. Ok. Pour l'instant, tu es, vous avez pris un peu de temps, mais tu es un peu toujours en période d'essai, elles sont assez longues, les périodes d'essai dans ce truc-là, donc tu n'as pas autant de pouvoir que tu devrais en avoir au poste sur lequel tu es. Je sais. Mais tu as accès à pas mal d'informations, tu as... Donc, je suis un peu dans la gestion, tout ça. Je sais, voilà, j'ai trouvé. Ok. Pour un clin d'œil à la saison 2... Tu es comptable. En vrai, tout ce qui est dans le commis, dans les conseils, etc. Parce que du coup, les comptables sont plus gestionnaires que des compteurs maintenant. Oh ouais, on peut faire, oui, c'est ça. Experte comptable avec une spécialisation dans le management, des trucs comme ça. Et du coup, bah, ça va être mon passing, ça va être plutôt là-dedans. Tu vas savoir d'être quel est un bureau expert comptable de renommée, etc. Qu'elle a travaillé dans un grand truc. Vu que j'ai un 6 et que je fais ce que je veux. Donc voilà, c'est vraiment normalement dans le milieu de la gestion finance. Normalement, tu vois, c'est un bon nom, tu vois, qui sort, tu vois, genre, ces gens font « Ah oui, travaillez avec ça, c'est bien. » Tu sais que, normalement, les comptes sont propres, qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait une mafia qui passe par là ou quoi. Enfin, voilà, quoi, genre, en gros, une belle identité qui s'est fait un petit nom. Chez Goldman Sachs. Très carré, dans la gestion finance. D'accord, très bien. Donc, tu es à l'intérieur et tu es à ton petit bureau attitré, pour ainsi dire. Et tu jettes un petit coup d'œil à l'horloge au-dessus de la porte. Et tu comprends. En effet, c'est l'heure à laquelle vous êtes mis d'accord pour que les choses se mettent en marche. Tu es actuellement au premier étage. Alors, moi du coup, je vais avoir deux objectifs. Mmh. Si je dis pas de bêtises, c'est de faire en sorte que les personnes sur les. Non, mais en fait, on s'inquiétait des caméras, mais si les caméras se coupent. Enfin, si l'électricité se coupe, les caméras se coupent normalement. Déjà, de manière rétroactive, pendant le mois où j'ai bossé, j'ai fait en sorte de pouvoir essayer de me balader. Est-ce que j'ai pu savoir s'il y avait un système de générateur d'électricité, de secours en cas de panne, ce genre de choses? Mmh. Eh bien, en te renseignant là-dessus, tu sais que le Diamond Exchange donc est sur l'électricité de la ville et ce genre de choses. Cependant, il possède, comme montré sur la carte, il possède deux générateurs de secours. Un générateur de secours qui s'occupe de l'électricité du rez-de-chaussée et des étages. Il se trouve à l'étage 2, tout en haut, pour ainsi dire. Et il y en a un qui gère uniquement le sous-sol. Le sous-sol est, pour ainsi dire, autonome du reste du bâtiment. Et il se trouve au sous-sol. Ok. Donc, ça veut dire que déjà, quand il y aura une coupure d'électricité, ça va se relancer. Est-ce que j'aurais eu moyen, peut-être avec l'aide d'autrui, de les... saboter. Eh bien, je vais te demander rétroactivement un petit jet de volonté, ne serait-ce que pour y avoir eu accès, parce qu'en réalité, tu n'es pas censé y avoir accès même avec ton poste. Ah, ok. Okay. Du coup, je regarde ça. Voilà. Tu es dans la gestion, ce genre de choses, mais pas dans... Ouais. Oui, bah oui, normal. Dans l'intégrité j'ai fait... du bâtiment, quoi. 34 et... J'ai... Tu m'as dit volonté ? Ouais, volonté. Donc là, je suis en Yasmine, donc j'ai très bon. Très bien. Eh bien, il se trouve qu'en effet, durant sûrement ta deuxième semaine, t'as eu le temps de discuter un peu avec une partie de l'équipe qui était plus sur la gestion de l'électricité, du système informatique et ce genre de choses du bâtiment, et tu as pu, au détour d'un café, faire entrer l'idée que tu voulais, que t'aimerais bien y jeter un petit coup d'œil, que t'avais une petite passion sûrement pour les systèmes électriques, ce genre de choses, je crois, c'est ton hobby quand t'es en vacances. Et ils ont réussi à te faire rentrer, à te faire regarder tout ça, et tu as pu non pas les saboter parce que tu étais sous leur regard quand même, hein. Mais tu as pu, pour ainsi dire, subtiliser discrètement les clés d'accès et en faire des doubles sans que ça n'ait été remarqué. Cela ne concerne pas le sous-sol. Ça concerne seulement pour l'électricité autonome de rez-de-chaussée et des étages. Au sous-sol, tu n'as pas eu la possibilité d'y aller. Parce qu'il faut là-bas des cartes d'accès particulières et ça, ils pouvaient pas te laisser passer. Ouais, je me doute. Mais déjà, ça peut être pas mal pour. Ok. Ouais. Bon, sachant que tout ceci, comme c'était en amont, j'ai prévenu l'équipe. Mmh. Donc, ils sont au courant que du coup, j'ai l'accès pour aller couper le générateur au moment où ça se passe. Du coup, ça sera. En fait, ma première action, ce sera ça. Ça sera du coup, vous voyant l'heure, de discrètement m'éclipser et. Essayer de me diriger sans trop passer de manière directe au niveau du générateur pour le couper d'avance pour que il y a au moins cette zone-là qui soit safe. Et j'ai prévenu que du coup pour le sous-sol par contre j'aurais pas le pass, donc ça il faudra rester avec l'électricité, sauf si l'équipe en a dit autrement. Alors on est d'accord que en faisant en sorte que ça coupe les étages supérieurs, ça veut dire que lors de la coupure générale, le poste de sécurité n'aura plus d'écran. Oui. Il n'aura plus d'accès à l'écran et les caméras, la gestion des caméras, les enregistrements ne sont plus pris en compte. Hein. Ah, l'enregistrement. Cependant, tu sais, Yasmine, que au rez-de-chaussée, comme marqué sur la carte, il y a un poste de garde spécialement pour le sous-sol. Et eux, ils ont accès aux caméras du sous-sol. Oui. Et ça, j'avais un plan pour. Donc, comme est là, tu te lèves prestement de ton bureau et tu traverses les couloirs, l'air tout à fait naturel. Sûrement que ceux qui te croisent se disent juste que tu vas chercher un café. Ce genre de choses. Personne ne se pose de questions. Et le but, du coup, ça serait juste de passer en niveau discrétion à fond pour. Au moment de. Tu vois que. Je vais justement, en effet, te demander un 6G de. Attends, on a plus discrétion comme capacité, il me semble. Un petit jet de. On va dire que c'est. De l'attention, pour ainsi dire. Ça va, j'ai bon. J'ai fait 48 et j'ai bon. Ça devrait aller. Ok. C'est la femme de la situation. En t'approchant donc de la fameuse porte qui mène au système informatique et électrique du rez-de-chaussée et des étages. Tu prends soin d'y avancer toujours très naturellement, tout en évitant les regards des gens, en y arrivant à un moment où les gens ne sont pas très présents dans cette partie-là des couloirs, et tu t'y introduis prestement. À l'intérieur, il ne s'y trouve personne. En effet, les lieux ne sont pas toujours occupés par les informaticiens et ce genre de choses. Le système est relativement autonome la plupart du temps. Parfait. Eh bien, comme bien sûr on a bien préparé ce cast, j'avais demandé à JB en amont savoir comment je peux saboter ce générateur de manière discrète, etc. Parce qu'on en a parlé vu qu'il y avait du repérage, etc. Très bien. bien, donc JB a pu te faire un petit cours sur le fonctionnement de tout ça. Et je vais te demander un petit jet tout de même, parce que entre la théorie et la pratique, il y a quand même une petite différence. Je vais rater un jet à force. Un petit jet, s'il te plaît, de connaissance dans laquelle tu es, il me semble... Oh, très mauvaise. Ok, j'ai fait 68, c'est mort. Alors, okay. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir un petit quelque chose? Je compte qu'il y a un petit bonus parce qu'elle ne le fait pas à l'aveugle. Ah, donc, je suis très mauvaise avec 68 quand même. Avec les conseils d'Ibé. Et donc tu pianotes un peu, tu essayes informatiquement de mettre le système un peu en dérouille, tu désactives 2-3 trucs. Tu dis ouais, bah, ça a l'air d'être ce que JB m'a dit. Tu tournes vers la partie véritablement générateur et tu désenclenches 2-3 boutons, un truc comme ça, où tu te dis ouais, ça semble être. Les petites étiquettes au-dessus, ça a l'air d'être ce que JB m'a dit qui était important pour le fonctionnement par. Hop, hop. Et. Bon, rien ne change, mais c'est normal. Pour l'instant, le bâtiment est sur électricité normale. On ne saura si ça a fonctionné qu'une fois tout ça coupé. J'en ai marre d'être con. Et tu quittes la pièce. Vu que je considère que le boulot est bien fait, oui, je vais quitter la pièce évidemment en essayant de comment de sortir, tu vois, d'entourer un tout petit peu pour vérifier qu'il n'y a personne et sortir discrètement. Et après reprendre un trajet tout à fait normal, si possible en passant par genre une machine pour m'acheter un café, un truc comme ça, comme ça il me voit repasser avec un café. Et... c'était normal. Je considère que ton jet de discrétion précédent est toujours actif, donc tu continues donc ta marche pleine de prestance et tu fais comme chez toi. Ce qui est de Ruby et Marco, il me semble, donc vous voyez arriver donc le fameux caddie, pour ainsi dire, je ne saurais pas comment le nommer autrement, donc du Diamond Exchange qui arrive avec vous et qui va à présent vous accompagner dans votre voyage dans les entrailles du Diamond Exchange. Le Diamond Exchange, pour ainsi dire, c'est un peu la première fois que vous le découvrez véritablement, à l'exception de Yasmine et peut-être des quelques d'entre vous qui ont peut-être fait un petit repérage, ce genre de choses. À l'intérieur, c'est... Pour ainsi dire, le Diamond Exchange, c'était autrefois une église. Petite église de style gothique, comme on en voit énormément à Gotham, et il a été réutilisé pour en faire ce petit lieu de luxe et d'échange de diamants et ce genre de choses, de pierres précieuses, d'or, etc. Donc il faut imaginer vraiment qu'ils ont gardé une décoration très gothique, bien entendu ils ont enlevé tous les bénitiers, tout ce genre de choses. On ne voit pas toute la hauteur de l'église parce qu'ils ont mis des plafonds pour faire les autres étages ensuite jusqu'au véritable plafond de l'église. Donc il faut y voir quelque chose d'assez hybride, mais ils ont essayé de garder un côté assez... volontairement luxueux, volontairement sacré, pour ainsi dire. Vous suivez donc les gens qui vous accompagnent, qui sont le garde de la sécurité qui vous attend déjà depuis le début, et un type qui est là, on dit, pour vous guider, pour ainsi dire, qui est là pour vous accompagner, simplement pour des raisons administratives. Je vais vous demander... qu'est-ce que vous avez sur vous, là, directement? Qu'est-ce que vous avez amené pour ce braquage? Normalement, ils ont leur arme de service, j'imagine, de base. Après, je crois qu'on avait parlé à un moment donné que peut-être Ruby, elle avait pu faire des petites confections maison voilà, donc après je sais pas quel genre tu aurais pu faire. J'allais parler de chloroforme sur des mouchoirs au cas où ça tourne mal et qu'on ait besoin de se faire discret, mais D'accord. Est-ce que t'as d'autres idées? Est-ce que honnêtement faut pas qu'on se fasse trop cramer? Techniquement, notre plan, il n'a pas besoin de plus d'accessoires que ça. Si les choses se passent normalement, non. Bon, vous avez quand même une arme. Hein. De toute façon, on sait jamais. Peut-être qu'on va prévoir. Je pense qu'une bonne idée pour s'échapper, ça peut être que tu prévois du gaz et des masques à gaz dans le fourgon, simplement dans un sac ou quoi, dans un coin. Ok, mais on les a pas sur nous, du coup. Pas sur nous, mais en tout cas. Et peut-être alors, dans ce cas-là, une petite grenade lacrymo cachée qui, en fait, est d'une. Bon, après, après, n'oubliez pas que le chariot que vous avez, il est truqué. Enfin, je veux dire, il y a des compartiments qui sont cachés. C'est quand même un truc, c'est pas un petit tabouret ridicule, c'est quand même un beau chariot. Donc, tu peux très bien imaginer avoir planqué des choses qui puissent te servir, même un masque à gaz. Hein. Genre, tu peux cacher deux masques à gaz dans un faux tiroir et des petites. Des trucs, une grenade qui va endormir ou que sais-je, enfin, je sais pas, c'est dans, toi dans qui. Dans ce cas-là, on peut faire ça, donc, le mouchoir de chloroforme plus grenade de produits chimiques, comment on dit, qui veut. Somnolent, non, c'est quoi le terme pour. Endormissant. Ouais, c'est endormissement. Voilà. Et du coup, deux masques à gaz en dessous qu'on pourra retirer si besoin. Voilà, après, tu peux aussi avoir des serflex. Tu sais, les espèces de menottes en plastoc, là. Tu sais, que tu zippes, ça prend pas de place, c'est juste un truc. Et tu zippes là, si jamais il y a un contretemps. Parce que je suppose que vous n'allez pas rentrer tous les deux juste dans le coffre. Il y a forcément quelqu'un qui va venir avec vous. Donc, tu vois, s'il faut le neutraliser et l'immobiliser en urgence. Voilà, qu'on puisse tu puissiez réagir sans avoir à faire du létal. Voilà quoi. Vous suivez donc ce fameux chariot, enfin vous avez votre chariot. Vous suivez donc le garde et le type qui est censé vous accompagner et vous passez vers le sous-sol. Alors, je vous renvoie de nouveau à cette fameuse carte. Hein. De toute manière, ce sera votre meilleur ami aujourd'hui. vous entrez par un petit ascenseur à côté des escaliers qui vous fait entrer dans la check zone. C'est une partie où il n'y a, pour ainsi dire, pas de meubles. Tout ce que vous avez, c'est deux portes. Une grande porte qui mène vers le reste du sol et une petite porte qui est en vitre blindée, derrière laquelle se trouve le poste de garde spécial du sous-sol, avec les deux gardes, je vérifie mes notes. Les cartes, on les avait épinglées quelque part ? Oui, non, c'est bon, je les ai. Oui, elles sont dans notre collectif. Les trois gardes du sous-sol, donc il y a trois gardes dans le poste de garde du sous-sol. Il y en a un qui a pris, qui est sur ses écrans, ce genre de choses, et les autres sont à côté. L'un d'entre eux, de ces gardes, se présente donc à cette porte en verre vitré et fait basculer un espèce de petit. Comment on appelle ça déjà ? Oui, c'est. Tu vois les yeux qui. Ouais, une petite entrouverture. Hein ? Bon, évidemment, ça ne révèle pas son regard pour soi, vu que la porte est déjà transparente. Il ouvre simplement cette partie-là et il vous dit d'un ton plus. Plus fatigué, plus blasé que véritablement autoritaire, quoi que ce soit. Vos papiers, autorisation ? On les sort mécaniquement. Comme si c'était la routine. Vous sortez ça mécaniquement. Ruby, je vais te demander aussi de faire le même jet que pour tous les gens qui ont utilisé des faux papiers dans cette session, de me faire un petit jet rétroactif sur la qualité de tes faux papiers. Ok, très bien. J'ai fait 39. 39, ok. Tu montres donc tes papiers, ils regardent ça vite fait. Enfin, même plus que les montrer, en réalité, vous leur passez, ils vous faites passer dans leur petite entre-ouverture, ils les regardent. Tu vois que... Vous voyez que... Il est prêt à une certaine attention. Si en effet, dans ses manières et dans sa manière de discuter, il a l'air plutôt blasé... Il a l'air tout de même de prendre son travail au sérieux et il est attentif à ce qu'il y a sur vos papiers. Heureusement pour vous, JB et votre cher... je me souviens, il me semble que son nom c'était GG le prophète. vous ont fait de bons papiers et de bonnes fausses identités. Ils vous rendent vos papiers et l'un des gardes appuie sur un espèce de petit bouton et vous entendez directement la réaction sur la double porte à côté de vous qui semble du coup se désenclencher magnétiquement, vous donnant accès au reste du sous-sol. Vous y aventurez, toujours avec votre chariot. Le garde de la sécurité donc vous suit toujours, celui qui est avec vous depuis votre arrivée. Celui qui est là pour les manières administratives vous devance et va directement vers la porte, la grande double porte du coffre. Et semble donc faire barrière de son corps devant l'espèce de petit pavé numérique. Il y fait passer une carte, il a l'air d'y rentrer un petit code. Il fait attention d'ailleurs de cacher, hein, évidemment. Est-ce que l'un d'entre vous veut essayer d'être un peu sneaky, essayer de voir le code au cas où, sait-on jamais ce qui pourrait se passer? JB, tu as levé la main, tu veux essayer? Il est pas là, mais t'es avec moi, toi. Non, moi je suis pas là, moi. Tu restes à l'intérieur, en effet. Tu es chef de l'informatique. Es censé synchroniser ce genre de choses. T'es à la porte du camion. Exactement. Personne? Parmi Marco et Ruby? Je suis en train de réfléchir, mais c'est peut-être un peu trop tard. Est-ce qu'on n'aurait pas pu installer une mini caméra cachée sur notre petit truc? Mais ça me paraît un peu fort, c'est un peu tard, donc non. Disons que non. Ça aurait été compliqué d'aller accéder à cette partie-là, même pour Yasmine. Ouais, bon, mais bon, allez, on vérifie pas. Ok, pas besoin. On prend pas le risque. Regardez donc. Vous êtes blasé aussi. JB, je vais m'attarder un peu sur toi. Toi qui es donc un peu à l'entrée du camion, faisant office de garde. Surveillant que aucun criminel ne vienne voler ce véhicule blindé ou ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Ouais. Dans l'état, il n'y a rien en réalité à l'intérieur. Tu as aussi, à ta main, donc un petit téléphone, celui avec lequel tu es censé synchroniser la fameuse opération de couper le courant dans la zone, dans le quartier. En effet, tu as pu, en amont, rentrer en contact avec certains de tes amis, qui sont rentrés en contact avec certains de leurs amis, qui sont rentrés en contact avec certains de leurs amis, ce qui t'a permis d'avoir accès à des choses dans le grand système électrique de toute la ville, ce qui t'a permis donc de pouvoir y introduire, par les amis des amis de tes amis, un petit malware, de quoi peut faire capoter l'électricité, ne serait-ce que dans ce quartier. Ou peut-être dans toute la ville, à toi de me le dire, mais là, ce sera un peu compliqué. Très bien, je vais te demander un G alors, parce que tu te demandes dans toute la ville. Je t'aurais demandé quoi qu'il se passe. Hein. Un petit G rétroactif pour voir la capacité. Parce que je fais 58. Ok, 58, et c'était sur connaissance. Ok, et je vais te demander un autre G de pouvoir, s'il te plaît, dans lequel tu as mauvais. Ton malware, aucun souci, il est de bonne qualité, t'es certain de tes acquis, t'as déjà fait des choses, bon, pas vraiment, t'as pas déjà fait sauter les plombs de Gotham, mais t'as fait des choses, disons, avec des niveaux de sécurité plus ou moins égales. 60, ok. Je suis mauvais en pouvoir. Ouais, là où ça pêche, cependant, c'est au niveau de ton réseau. Tes amis de Chinatown, a priori, qui avaient des amis qui pouvaient te laisser avoir accès à la centrale. Pas vraiment la centrale, mais à tout ce qui gère l'électricité et ce genre de choses au niveau informatique. Ah, il semblait peut-être pas si sûr que ça. Mais reste à toi le choix de quand tu vas déclencher cette apocalypse informatique. D'après la chronométrie, enfin je sais pas si on dit la chronométrie, des événements que vous avez mis en avance... que vous avez prévu en avance avec tes compagnons, si tout s'est bien passé, tes amis devraient être actuellement dans le coffre. Alors, je sais pas si tu avais vu, j'avais marqué que à la base, de la même manière qu'on avait procédé dans les autres trucs, on pouvait avoir des petites oreillettes un peu discrètes, pour pouvoir... Pas forcément que... Enfin... Qu'on puisse discuter, mais genre en mot de passe, tu vois, pour pas que ce soit trop bizarre pour les gens qui sont autour de toi de se faire comprendre, quoi. Genre envoie le pâté ou. Donc pour que okay, on sache, bien. Voilà. Sachant que moi j'aurais aimé agir avant que tout ça coupe, donc après, ouais. Après je sais pas si on peut revenir en arrière, dire que c'était en même temps, etc. Oui, on peut jouer avec le temps. Ok, non, c'est pour savoir en fait, mais c'est juste pour prévenir que moi, je, dans mon plan, je voulais faire quelque chose avant que ça coupe, pour... parce que sinon ça sera bizarre. D'accord. Donc, voilà. Je vais juste demander à JB s'il souhaite tout couper immédiatement, ou s'il souhaite encore attendre un peu. Là, ils sont dedans, là. Ce que je fais, c'est que je sortais du derrière du camion, vu que j'étais le mec du derrière du camion, tu sais. Mmh. Je m'allume une petite clope, je garde, tu sais, je fais comme le garde derrière avec ma petite mitraillette, tu sais, je me fais comme si j'étais sur mon iPhone tranquille et j'appuie sur un bouton pour tout lancer. Tu et lances tout et le chaos va se répandre. De ton côté, donc Yasmine, juste un peu avant, que je me dis, tu fais. Ouais. Alors, moi, c'est très simple. J'ai passé ma journée à parler avec des collègues dont lesquels j'étais le plus proche pour réaliser un petit truc, genre là, cette heure-ci. D'ailleurs, il est quelle heure à peu près dans la diégèse de tout ça? À vous de me le dire. Je pense qu'on est en fin de journée. Hein. Ouais, j'aime bien la fin de journée. Donc, du coup, après que le boss soit parti... j'ai ramené une petite bouteille de champagne pour fêter parce que le boss aurait dit que la période d'essai se passait bien, que je passerais en CDI, nanana. Donc j'ai déjà fait tourner un peu ça. Donc l'idée c'est qu'à 18h on se retrouve du coup dans la salle. Alors attends, parce que j'appuie sur contrôle donc je peux pas cliquer en même temps. Voilà, au premier étage, dans le bureau interne, celui qui est à gauche. C'est assez grande salle, petite de réunion, tout ça, le boss il est parti, on peut se permettre. Et l'idée du coup, ça serait que, j'ai quand même, vu que j'ai passé un mois ici, essayer de savoir qui était pote avec qui, notamment, connaître au moins un prénom ou deux de gens qui seraient potes avec ceux qui sont du coup dans la salle de surveillance au rez-de-chaussée pour le sous-sol. Et donc moi, ce que je voulais faire, c'était du coup arriver, et tout simplement aller les voir et leur dire... bon bah voilà, même si on n'est pas vraiment du même service, etc., il y a, disons, Sébastien ou n'importe quel autre prénom random qui est en train de fêter avec moi le fait que j'ai un CDI, donc venez, quitte à, je me doute qu'ils vont pas tous partir parce qu'il y a bien quelqu'un qui va se dire je veux quand même surveiller la sécurité, mais si j'arrive à faire en sorte qu'il reste qu'une seule personne qui sera plus facile à neutraliser, c'était l'idée. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tu veux aller voir les quelques gars de la sécurité qui gèrent les caméras et tout ça, c'est ça? Ouais, sachant que l'idée, c'est que j'ai trouvé un pote en commun, tu vois, entre les deux services. D'accord. Pour faire, il y a Sébastien qui est en train de voir, il m'a dit de venir vous chercher, allez, venez. Je vais te demander un petit jet de pouvoir. Ouais, ça c'est bien, parce que je suis bon en pouvoir, normalement. Mm-hmm. C'est un 100. Ouais, j'ai très bon, c'est un 100. Et 100, c'est super bon. C'est mieux que 1. J'ai fait 5. Ok. Bah, tu vois que tu dis ça et t'as. On peut pas bosser. Alors, je vérifie toujours mes notes pour savoir qui est dans quoi. D'accord. Dans le poste de garde à l'étage, il y a 3 gardes, un peu comme au sous-sol. T'arrives et en réalité, de ton ami en commun avec eux, tu n'en connaissais que 2. Tu arrives, tu dis ça et. Dis-moi exactement comment tu leur dis. L'idée c'est vraiment, j'arrive chez. vous savez, Sébastien a parlé de vous, là on est en train de fêter mon futur CDI là, que je vais signer, le patron m'a dit que c'était bon et je sors la bouteille de champagne du coup que j'ai pris avec moi. On est en haut au bureau si vous voulez, il est parti, personne n'en saura rien. Je vois qu'à ces mots, il y en a les deux du coup que tu connais, que tu as eu la possibilité de connaître un petit peu, ne serait-ce qu'en échangeant 2-3 mots de temps en temps, se mettent un peu à sourire, ils se regardent et ils se lèvent. Ils disent oh, bah, avec plaisir, on refuse jamais un petit verre. Et t'as le troisième qui dit non mais les gars, moi aussi j'en veux un peu. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste. Il regarde les écrans, et il regarde comme ça, il fait. Bon, après. Alors, je passe juste le temps d'un verre. Allez, juste le temps d'un verre, après je reviens. Juste le temps d'un verre, parfait. Et bien sûr, tu me dis si j'abuse ou pas, mais normalement, étant donné que je bosse administratif, tout ça au bureau, j'ai essayé normalement de faire en sorte de pouvoir choper les clés de cette porte-là. Je sais pas si on a des passe-partout ou des trucs comme ça, comme à certains tafs. Pour pouvoir en fait les enfermer ultérieurement lorsque tout va sauter. Ouh, tu m'en demandes beaucoup quand même. Je vais te demander un jet de chance. Ok. Avec du malus. Avec du malus ? Avec du malus, parce que je trouve que tu t'en sors déjà assez bien et j'ai pas envie que tu t'en sortes trop bien. Non mais je comprends. Non mais c'est neutre, je pense que ça passe pas parce que j'ai fait 69. Alors, attends, c'était chaud de choper la clé. Même sans malus, ça passait pas. Mais c'est pas grave, parce que du coup, je peux quand même les occuper, parce que les trois sont venus, ce qui est mieux que ce que je pensais, donc en vrai, ça me va. En effet, les trois quittent la pièce, abandonnant leur poste, une erreur qui, ne serait-ce que s'il y a un supérieur qui vient contrôler, fera que les trois seront virés immédiatement. Mais ils te suivent. Parfait. Bah, du coup, je vais aller festoyer avec mes amis, fraîchement fait. Ce futur, c'est dit. Pendant ce temps, donc... Ruby et Marco, vous êtes donc en bas. Le gars qui est avec vous a fini de pianoter sur son pavé numérique. Les portes sont en train de s'ouvrir devant vous automatiquement. Et vous avez donc face à vous le fameux grand coffre. Cela, en réalité, il faut pas imaginer genre un grand coffre dans lequel il y aurait plein d'argent là, entassé partout, par-ci, par-là. En réalité, c'est constitué de plein de petits coffres sur les murs qui vont dans des hauteurs et ce genre de choses. Ce genre de coffre. Vous avez évidemment avec vous le bonhomme qui a les clés qui est censé ouvrir tel ou tel coffre en accord avec ce qui avait marqué sur vos papiers. C'est-à-dire, d'après les papiers que vous ont donné l'entreprise, vous avez à vider une dizaine de coffres. Évidemment, avec un peu de menace, il y a sûrement moyen qu'il en ouvre beaucoup plus. C'est le moment où, soudainement, l'électricité se coupe entièrement. Tout le monde se fige un petit peu. Et le type à côté de vous fait... Ah, c'est bizarre. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, il doit y avoir un souci au niveau du quartier, quelque chose comme ça, mais... Vous inquiétez pas, des générateurs de secours ? Immédiatement, j'imagine, et... L'électricité se rallume. Voilà, générateur de secours. On est quand même sérieux ici. Wow. Yasmine, de ton côté, l'électricité, elle, s'est éteinte, mais elle n'est jamais revenue. Je vais en profiter pour revenir vers Marco. Marco, toi, qui as donc vu cette électricité s'éteindre et qui est maintenant face au coffre, tu ressens vraiment une deuxième poussée d'adrénaline, c'est aussi le cas pour Ruby, mais toi, c'est une poussée d'adrénaline qui a une raison particulière, c'est que tu es sous le coup du stress depuis un petit moment maintenant. En réalité, il y a peut-être un ou deux jours, peut-être même juste la veille, peut-être même très tôt ce matin, tu as participé à d'autres opérations. Et nous allons donc faire un petit interlude avec toi sur ces fameuses petites opérations. Tu mets donc le pied à terre, descendant de la voiture dans laquelle tu es arrivé. Tu es accompagné de tes hommes de main maintenant favoris, les Yougoviens, du nom de Emir, Vlado, Lazar et Mickey, il me semble. Et peut-être accompagné de un ou deux hommes de vocaux. Tu viens de poser le pied, non pas, enfin pas n'importe où, mais face au fameux bar The Pub des Irlandais, qui se trouve véritablement à la frontière de la bande de territoire que tu es censé récupérer selon tes accords avec les Slaves. Tu sais déjà que les, disons, opérations plus discrètes ont eu lieu. Tout ce que tu vas faire, c'est attendre le coup d'envoi et à t'occuper du reste du bar. Et cela ne tarde pas à se faire. En effet, immédiatement, alors que tu viens d'apercevoir un homme que tu sembles bien identifier comme la cible venir de rentrer dans un véhicule, une grande détonation a lieu. Il est, pour ainsi dire, envoyé dans la stratosphère, comme prévu. Dans le bar du The Pub, tu entends directement de grands fracas. Les gens à l'intérieur s'affolent, et tu commences à voir des visages aux fenêtres et certaines personnes qui ont l'air de se diriger vers l'extérieur. Bye bye, Ricky. Ok. On y va bientôt, les gars. Vous êtes prêts? Ils acquiescent. L'un On d'entre eux, sûrement, sûrement Vlado, ricane un petit peu et dit comme au bon vieux temps. Pas de témoin. Sur ces mots, les premiers Irlandais commencent à sortir du pub armés. Certains d'entre eux ont simplement des armes de poing, d'autres ont sorti ce qui semble être des jouets plus sérieux. À ce moment-là, tes compagnons enclenchent eux aussi leur premier tir. Évidemment. Dis-moi quel genre d'armes vous avez amené à cette opération. Alors clairement, on parle de fusil semi-automatique d'assaut de type AK-47. Voilà. Très bien. Une fusillade s'ensuit donc. Des rafales et des rafales et des rafales. Les premiers Irlandais tombent au sol. Ils n'étaient absolument pas préparés à se faire attaquer immédiatement par des hommes cagoulés. Alors qu'a priori, aucune guerre, aucun affrontement n'avait été déclaré. Il y avait bien des tensions, mais personne ne croyait à un éclatement aussi immédiat. A priori, les Irlandais qui avaient assez de courage pour sortir viennent de tomber au sol. Mais d'après les hurlements et les insultes, tantôt en anglais, tantôt dans une langue que tu ne sembles pas parfaitement comprendre, te font entendre depuis l'intérieur du bâtiment. Ils semblent bien décidés à y rester et à protéger leur territoire. Comment souhaites-tu procéder? N'ayant pas de cible en vue. Ok, alors deux de mes lieutenants yougoviens vont ouvrir un feu de couverture. Pendant ce temps-là, avec le reste du groupe, on va se rapprocher en deux groupes petit à petit du bar. Et ensuite, voilà, on va essayer de faire un carton en fusil automatique à l'intérieur. Très bien. Alors 2 secondes, faut que je regarde mes notes. Très bien, donc deux de tes hommes commencent à, enfin, continuent à tirer à toute vitesse, enfin, ou à toute vitesse avec un rythme effréné, tandis que deux groupes se rapprochent du pub. Dans le groupe dans lequel tu es, donc tu souhaites rentrer à l'intérieur, c'est ça? Si j'ai bien compris? Ok. Tu rentres donc par la grande porte d'entrée, protégée par les tirs de couverture de tes amis, et à l'intérieur, tu vois déjà 4 ou 5 Irlandais au sol. Sûrement ont-ils pris quelques balles perdues ayant traversé les cloisons, mais un hurlement se fait vite entendre, un hurlement guerrier. Un homme directement se jette au-dessus du bar, derrière lequel il semblait s'être abrité, armé seulement d'un revolver, mais il semble bien vif. Je vais te demander, si tu le veux bien, un petit jet de dextérité, pour ainsi dire, au niveau de tes réflexes, aidé bien entendu par un petit bonus, car tu es avec des tirs de couverture, le gars n'avait pas la possibilité de te viser aussi confortablement que ça. Alors, tant qu'il est là ce bonus, parce que bon, certes, j'ai très bon, j'ai quand même fait 73, Ce n'est pas un jeu le plus incroyable. Ok, tu réagis assez bien en réalité. Tu sais que ça s'est passé de peu. À quelques réflexes près et à quelques centimètres près, tu te serais peut-être immédiatement retrouvé au sol dès la première salve d'assaut. Mais tu arrives à te décaler, t'abritant derrière une des tables renversées du pub, tandis que les hommes qui sont avec toi vont eux aussi s'abriter, évitant une balle de revolver, puis une seconde, puis une troisième, avant que les choses ne se calment. Aucun autre tir ne semble résonner, si ce n'est celui des tirs de couverture de tes amis, qui semblent maintenant se calmer eux aussi, n'ayant plus directement vu sur toi, par peur de... de faire de toi une des victimes collatérales de la protection. Tu sais que le deuxième groupe que tu as envoyé est passé par derrière, il est sûrement en train de commencer à inspecter l'arrière du pub et de s'occuper des gens qui sont derrière. Aucun tir cependant ne se fait entendre. Oui. À premier coup d'œil, du coup, plus de personnes debout, plus de... Tu jettes un premier coup d'œil, a priori plus de personnes debout, mais il y a toujours ce type derrière le bar qui semble s'y être réabrité après avoir tiré trois coups. Ok, full carton sur le bar, tant pis. On espère que ça traverse. Toi et les deux hommes qui t'ont accompagné à l'intérieur, vous sortez donc de vos abris derrière les tables et vous videz pour ainsi dire vos chargeurs dans le bar. Réduisant ce magnifique travail d'orfèvre, vraiment, il faut imaginer le genre de bar un peu irlandais où il y a des petits fignolages sur les trucs en bois, ce genre de choses qui donne un petit côté un peu rustique. C'est ça exactement. Tout ça part en plein de morceaux de bois, des échardes viennent sûrement se planter un peu sur la peau de tes hommes, et sûrement de toi un petit peu, rien de grave, mais... Bon, les effets secondaires de faire s'évaporer tout un bar. Et finalement, quand les balles se taisent, rien n'y répond et un coup d'œil permet de se rendre compte, l'homme a été autant réduit en charpie que son abri. Tu es rapidement retrouvé par les hommes qui sont passés par derrière, qui, d'un signe de tête, t'indiquent que c'est bon, tout a été nettoyé. Ramener l'essence, vite. Sur ces mots, nous allons retourner dans le présent. Nos chers amis se trouvent donc dans le coffre. Toi aussi, Marco. Marco, Ruby, maintenant que vous êtes face au coffre avec de nouveau électricité et, je le rappelle, une caméra de sécurité qui se trouve dans le coffre, comment souhaitez-vous... deux caméras de sécurité qui se trouvent dans le coffre. Comment souhaitez-vous opérer ce cambriolage en ligne? Est-ce que vous préférez attendre que quelqu'un ait accès à l'électricité aussi du sous-sol ou est-ce que vous vous mettez immédiatement au travail? Il faut avouer que vous êtes sur un timing assez serré. Les choses ne vont sûrement pas rester aussi calmes très longtemps si on se rend compte que vous prenez votre temps. Juste une question, mais c'est je suis pas dedans, mais les caméras qui sont dans le coffre, elles sont vues par qui et où? Les caméras du coffre, c'est de l'équipe au rez-de-chaussée que je viens de virer pour aller boire un coup. Donc là, en gros... Non. Non, c'est pas ça. Où le sous-sol est géré par le poste de garde du sous-sol. Et je vois pas où ils sont les gardes du rez-de-chaussée. Parce qu'ils sont pas au rez-de-chaussée. Okay. Les gardes, ils sont au deuxième étage, mais ils gèrent tous les étages et le rez-de-chaussée. Oui, d'accord, ok. D'accord, c'est ceux du deuxième étage en fait. Le poste de sécurité rez-de-chaussée. Ouais. D'accord, donc il y a encore celui-ci. D'accord, donc il y a encore des gardes au poste de garde du sous-sol. En effet. Ah, il va peut-être falloir improviser quelque chose. Ah, on n'avait pas pensé à ça. Comme par hasard, hein, j'ai envie de te dire. C'est quoi ce drôle odeur? Mmh. Je vois que le type qui est avec vous, du coup, essaie de renifler, renifle très fortement d'ailleurs. Je ne suis pas sûr de sentir quelque chose. Oh, là, vous sentez quelque chose ? Vous qui tourne. Tu te laisses tomber, Marco ? Il tombe à quatre pattes. Ok. Tu vois Ruby donc, Marco, qui se laisse tomber à quatre pattes au sol. Tandis que le type et le garde de sécurité sont en train de vous regarder un peu surpris. Et les deux qui sont en train d'essayer de renifler un peu fortement. Et le garde fait... ok, vous allez voir les autres gardes, dit-il au gars qui est là avec vous, qui a les codes d'acte et ce genre de choses. Et il obtempère immédiatement, il quitte la pièce, vous laissant seul avec le garde. A priori, il se dirige vers le poste de sécurité à côté duquel vous êtes passé il y a peu. Oh, j'ai besoin de sortir. J'ai besoin de sortir. Je suis pas sûr de pouvoir vous... Attendez. Je vais te demander, s'il te plaît, Marco, un petit jet de pouvoir. Alors, j'ai moyen pouvoir et j'ai fait 45. Moyen en pouvoir et t'as fait 45. Très bien. Tu vois que le type, du coup, qui est à côté de toi, il fait... Attendez, tu vois qu'il il vient vers toi, il essaye de te soulever un peu pour te mettre sur... Enfin, pour te tenir un peu avec son épaule et ce genre de choses, une petite accolade. Il dit, attendez, je vais... allons voir les gardes, enfin, allons sortir du coffre. Vous, venez avec nous, dit-il dans ta direction, Ruby. Ok, très bien. Je me dirige avec eux en direction du poste des gardes. Mmh. Est-ce que la porte est ouverte ? La porte qui mène à la zone de check-up ou la zone vraiment des gardes ? Celle où il y a les gardes. La porte qui mène directement aux gardes est en effet ouverte à présent. Le garde qui était avec vous jusqu'avant est rentré à l'intérieur et a priori est en train de discuter avec les gardes de ce qui semble être une odeur étrange. J'ai ma main fortement appuyée sur le caddie et je regarde Marco. Genre vraiment, j'ai presque la main qui tremble et je le regarde et je cherche l'approbation dans ses yeux de faire ce que je dois faire. Ça veut dire oui, ça? tu vois Marco qui te jette des petits regards de temps en temps. Voilà, il hausse les sourcils. Il les ferme, il est haut, il cligne des yeux, il est haut, il les ferme. Je respire un grand coup et je sors la grenade du coup et je la jette. Je ne vais pas discuter des effets de cette grenade immédiatement. En effet, je vais me diriger vers Yasmine avant ça. Yasmine, de ton côté, tu avais donc amené un peu tous les gens que tu pouvais dans cette fameuse salle dans laquelle tu avais commencé à partager quelques verres. Enfin, c'est le premier verre, pour ainsi dire, pour commencer déjà. C'est le moment, cependant, où l'électricité s'est coupée. Tout le monde a levé les yeux vers le ciel, comme le font tout le temps les gens quand il y a une coupure d'électricité, comme si ils allaient trouver la raison de la coupure de courant dans les lampes. Et... ils attendent quelques secondes et un des gardes se dit, tiens, c'est bizarre, c'est censé se relancer. Et tu vois qu'il fait... il se lève directement de sa chaise et il semble partir. Enfin, partir pour sortir de la pièce. Je ne sais pas si tu souhaites l'arrêter ou non. J'ai envie de l'arrêter, mais il n'y a rien qui passerait, je trouve, en termes de... mais non, mais tu as 5 secondes. Tu as 5 secondes pour faire une discussion. Deux. Je vous demande juste, vous êtes sûr c'est peut-être de... je sais pas si... bon, peut-être attendre, ça va se relancer, moi je... j'aime pas ça. Je vais te demander quand même un petit jet... voir s'il te plaît, parce que c'est quand même un peu... c'est un peu naze, hein, comme excuse. Oui. Claustro. 21 malgré tout, en sachant que je suis très bon en pouvoir. Ok. Donc, c'est cool quand même. Tu vas faire... ça va être des jets en opposition avec chacun des gars présents dans cette... chacun, putain. Il y en avait qu'un qui partait. Ouais, ouais, mais bon, tu sais comment sont les gardes, hein, ils se suivent les uns les autres, ils sont pas faits pour penser. Non. Là, t'as tombé sur le mec qui sort de doctorat en psychologie... Tout ça. Je vois que le type qui voulait sortir, du coup, s'arrête et il fait... C'est vrai qu'ils sont sympas, sévères. Et deux autres qui sont comme ça, ils font « Ouais, mais s'il y a un supérieur qui vient, peut-être que ça risque de... » Et puis ils regardent le verre en face d'eux, ils font « Ah, des fois, ça peut prendre quelques secondes de plus, c'est vrai, on vous avait prévenu. » Et il y en a un qui prend directement un verre, sans souci. A priori, ces gardes ne vont pas garder leur métier très longtemps. Du côté de Pi et JB. En effet, je ne vous ai pas oublié. Vous, vous êtes donc un peu seul, un peu isolé pour ainsi dire. Vous êtes dans votre véhicule ou à côté, dans le cas de JB. Et vous avez un type qui vient, qui sort de l'intérieur de la banque, qui va vers vous. A priori, un type un peu en costard, ce genre de choses, un type qui travaille ici. Et il vient donc à côté de toi, JB, pas directement à la vitre pour Pi, parce que bon, c'est difficile de discuter avec quelqu'un dans un véhicule aussi blindé. Il arrive vers toi et il dit « On a une coupure de courant, il semblerait, et regarde un peu aux alentours, en essayant de voir s'il y a des coupures de courant un peu dans le reste du quartier, ce genre de choses, et il dit « Vos amis vont peut-être rester coincés à l'intérieur. » Juste garde, le fourgon, je suis pas électricien, donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et je viens seulement vous prévenir, espèce d'imbécile! Ah, d'accord, ok, désolé, j'étais ailleurs. Donc du coup, il te regarde, et je vais, s'il te plaît, te demander un petit jet de... de pouvoir aussi, pas pour des raisons tant d'influence, mais plus pour des raisons de standing, de prestance, de présence. Parce que il faut dire que tu lui sembles assez étrange. J'ai fait 22. 22, ok. J'ai mauvais après un pouvoir, donc je sais pas si... Tu vois qu'il se regarde et qu'il dit... c'est... Tiens, c'est bizarre, j'avais jamais vu ces modèles d'oreillettes utilisés par votre compagnie. Ah, c'est des nouvelles, ils changent tout le temps, constamment, de technologie. Regardez, on avait des vieux trucs tout pourris en plastoc, là maintenant on les enferme aux armes. Après, vous savez, y a un problème, Jean-Marc. Je sais pas comment il s'appelle. Ah oui, il y a un monsieur en costard là, qui me demande plein de questions. Eh, qu'est-ce qui se passe? Ils devraient déjà être là, les autres. Ah, ce qui paraît, il y a une coupure de courant. Ouais, il fait noir partout ici. Quoi? Il fait noir partout, t'as pas vu? Le type en costard se rapproche un peu plus du coup de ta portière à toi. Je ne sais pas si tu l'ouvres ou si tu restes juste à l'intérieur. Non, je reste à l'intérieur. En fait, je fais. Il y a un petit trou, tu sais, genre en mode giaphone, tu sais. Bah, du coup, il vient vers la portière et il dit « Je venais vous prévenir qu'il semble y avoir une coupure de courant dans le quartier. » Ah mince, j'ai vu ça, mais vous n'êtes pas censé avoir des générateurs de secours dans vos... Oui, c'est nous avons un problème technique a priori, mais c'est actuellement en train d'être réglé. Ça ne durera pas longtemps. Est-ce que je dois avertir le patron par rapport à ça, ou vous pensez que ça va être rapide? Ça va être rapide, vous inquiétez pas, nous avons des professionnels sur place. Je voulais juste vous dire qu'il est possible donc que vous soyez un peu retardé, c'est tout. Mais je tombe face à votre collègue là qui n'est même pas attentif à ce qui se passe autour de lui. Ouais, excusez-le, il a des petits soucis en ce moment. Enfin, je vous raconterai pas sa vie, mais bon. Mais elle fonctionne au moins, vos oreillettes là, je suis presque sûr d'avoir vu les mêmes sur eBay il y a pas longtemps. Bah, je dois dire que c'est un peu du matos pourri qu'on a reçu. Ça fait une semaine qu'on les a et elles ont déjà des problèmes de. Enfin, et sur Alibaba qu'on les a eu. Enfin, bref, mais écoutez, en tout cas merci. N'hésitez pas à revenir nous voir si jamais ça devait durer plus longtemps. Parce que ce serait quand même dommage que on ait des soucis après avec le patron. Tu vois qu'il te répond pas, il rentre juste de nouveau à l'intérieur de la... Je vais dire de la banque, mais c'est pas une banque. Du Diamonds Exchange. et a priori va revoir peut-être les informaticiens qui sont sûrement paniqués et en train de travailler d'arrache-pied picoler, ouais. À relancer l'électricité. Ils sont tous avec avec Pamela. Ouais, voilà. Elle a invité toute la boîte dans le bureau interne. Je m'approche de Pi et je lui dis, je pense qu'on a eu chaud. Ouais, essaye d'être un peu plus courtois la prochaine fois. C'est pas le moment de se faire remarquer. Bah, le mec, il m'a fait flipper. Il est arrivé d'un coup comme ça. Oui, bah écoute. C'est pas grave, mais bon. Sois attentif. Je me demande. D'ailleurs, est-ce que nous, on entend ce qui se passe dans nos oreillettes? Techniquement, on entend ce qui se passe avec Marco et Ruby. Alors, vous entendez pas forcément ce qui se passe, mais vous entendez ce que disent Marco et Ruby, en effet. Par contre, vous pouvez pas entendre spécialement plus loin. Il faudrait que quelqu'un soit vraiment proche d'eux pour entendre ce qui se dit. D'accord. Mais ils savent que s'ils parlent, on les entend. Donc ils peuvent interagir avec nous indirectement. Ok. Mais enfin, moi, on peut leur parler aussi indistinctement. Ou pas. En effet. Bah, du coup, je vais juste dire... comment ça se passe? Très bien. T'entends une voix. Je ne vais pas vous laisser répondre immédiatement parce que je vous rappelle qu'une grenade vient d'être lancée juste avant. Et je vais retourner à vous. Marco et Ruby, donc. Marco, toi qui es à moitié à quatre pattes, à moitié soutenu par le gars qui te soutient. Ouais, soutenu par le gars qui te soutient. Je suis un grand français. Et Ruby, toi, tu viens de lancer la grenade de gaz... De quel gaz tu m'avais dit? Gaz, celui qui endort. Très bien. Donc, de gaz soporifique, donc tu viens de lancer ça directement dans le poste des gardes. Et je vais te demander, s'il te plaît, un petit jet rétroactif de connaissances, disons, avec ta spécialité chimie. 44. Très bien. Tu lances donc cette grenade qui directement libère cette espèce de gaz un peu inodore, un peu incolore, ce genre de choses. Il y a juste une légère teinte blanchâtre qui se révèle, mais il faudrait y être attentif pour le remarquer. En réalité, tu te fais remarquer seulement parce que tu viens de balancer quelque chose dans la salle des gardes, et non pas à cause du gaz. Aussitôt, je me jette sur le type à côté de nous et je lui pose le mouchoir de chloroforme sur le visage. Ok. Avant même qu'il ait le temps de comprendre ce qui se passait. Très bien, donc tu te jettes sur lui mettant le mouchoir au visage, il commence à se débattre car en effet, ce n'est pas vraiment immédiat. Marco, je vais te demander, qu'est-ce que tu fais? Putain, bah là, si je vois que du coup, si je vois que ça commence à partir en bagarre, le mec qui me soutient, je vais essayer de le choper par le col et de le ramener à terre avec moi pour genre, commencer un corps à corps. D'accord. Donc tu le fais passer par-dessus toi, tu le plaques au sol et tu vas commencer à le frapper du mieux que tu veux pour essayer de le mettre KO. Et cela te rappelle très tôt ce matin une opération que tu as menée. Nous allons retourner encore une fois dans le temps. Arrivant donc à toute vitesse dans ton véhicule accompagné de tes collègues et dont certains d'entre eux sont aussi dans un autre véhicule, vous arrivez au Connolly Garden, l'espèce de petit parc de verdure au centre du quartier irlandais, autour duquel tu as entendu qu'il y aurait quelques planques de gens importants chez les Irlandais. Ok. Donc là-dessus, normalement, le reste de mes hommes est censé avoir été mis en poste, du coup, devant toutes ces planques qu'on a identifiées. Exactement. Et donc, on va dire que là, c'est le moment où on va prendre le rapport de ce qui a été vu. Est-ce qu'il y a eu des mouvements, des gens qui sont sortis, notamment ceux qu'on recherche? Très bien. Donc... L'un des hommes donc, qui était chargé de cette surveillance indique donc a priori la planque la plus active des quatre que vous avez repérée. C'est une petite cafette qui se trouve au bord du Connolly Garden qui semble être donc la plus active et actuellement à l'intérieur il semble y avoir quatre Irlandais qui dirigent un peu certaines zones d'activité particulières de l'organisation. Cependant, il n'y a pas de traces dans les planques qui ont été surveillées de George Henshi ou de Harrison Dunleavy. Très bien. Du coup, dans ce cas-là, on va commencer à diviser le groupe en deux pour faire deux caches simultanément. Et pareil, on va faire moitié Nugovia, moitié Evoca, on va dire, pour avoir un ratio équitable. Et du coup, on va commencer à monter dans les cages d'escalier en essayant de garder contact entre les deux groupes. Et puis, voilà. Vous défoncez donc quelques portes, montez quelques escaliers, défoncez d'autres portes, tandis qu'au loin, certains des Irlandais qui se sentaient un peu appréhensifs ce soir pouvaient voir au loin ce qui semblait être la fumée noire provenant d'une autre partie de leur quartier, a priori venant du pub. Bien entendu, peu de ces Irlandais auront la possibilité de transmettre l'information car rapidement leurs propres portes seront enfoncées et leur propre crâne défoncé. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose en particulier avec certaines personnes ou avec certains bâtiments? À toi de me le dire. A priori, en effet, il n'y a pas de traces des gens que tu recherchais, mais je peux te permettre un petit jet de chance pour voir ce qui aurait pu se passer. Eh bien moi, je veux bien faire ce jet de chance, mais j'ai une idée en tête, je sais pas si ça peut du coup être ça mon jet de chance. Ouais. J'aimerais bien chercher les téléphones cellulaires et autres de nos amis, et essayer de pouvoir fouiller dans les contacts, quitte à prendre juste le corps pour déverrouiller le chat, et puis voilà. Je vais en effet te demander du coup de bel et bien faire ce jet de chance. Alors, 67, et en chance, je suis très mauvais, c'est loupé. D'accord. Eh bien, la plupart des gens qui te semblaient être les plus haut gradés, disons, en termes d'hommes de main, avaient pour la plupart déjà remarqué l'incendie au loin, et s'étaient débarrassés a priori de tout ce qui pouvait... être des preuves ou quelque chose menant à leur supérieur. Tu as pu récupérer en effet les téléphones de certains hommes de main de plus bas niveau, mais aucun ne semblait avoir de contact direct avec les deux hommes en particulier que tu recherches. Très bien. Nous allons retourner dans le présent avec Yasmine. Yasmine, de ton côté, toi qui es toujours dans la pièce, donc en train sûrement de resservir un verre à un des gardes qui venait de finir le sien. ça se voit à force. En vrai, l'électricité ne revient toujours pas, ce qui veut dire que déjà j'ai bien fait mon taf. L'électricité ne revient pas, en effet. Je veux tenter un énorme coup de bluff. De toute façon, il faut prendre des risques. Du coup, je vais m'adresser à Miguel, évidemment, parce que j'ai fait Fake Name Generator, c'est le premier nom qu'il y a, donc il y a Miguel dans cette salle. Miguel, c'est l'un des personnes qui doit connaître informaticien, tout ça. Bref, je sais pas si c'est un informaticien pur ou dur, mais bref, il est dans ceux qui doivent s'y connaître un peu. Et voyant que ça vient pas, si je remarque en fait qu'il y a un petit mouvement de, voilà, les gens commencent à se dire, ouais, bon, quand même... Tu peux rester un verre, mais bon, si ça fait 10 minutes, ça vaut un moment, tu sais, bon, tu peux être le pire garde au monde. Hein. À un moment, tu te dis, bon, il y a vraiment ça s'agiter, il y a des regards un peu insistants qui s'échangent entre les gardes. Ouais. Donc, ne pouvant pas les garder plus longtemps, je vais tenter autre chose et je vais me tourner vers Miguel et faire Miguel, le générateur là, c'est bien ITC Power DG28 KSEM. Allez, d'accord. Oui. Peut-être. Comment ça peut-être? Tu connais pas le générateur de ta propre entreprise? Oui, non, mais qu'est-ce que tu me demandes en fait? Qu'est-ce que tu... Mais écoute, tu sais, je t'avais dit, sur mon temps libre, j'aime bien tout ce qui est électronique, tout ça. Je bricole beaucoup chez moi. C'est des modèles que je connais un peu. Je peux aller voir ? Oui, tu peux. Après, il y a sûrement le directeur sur place avec peut-être un ou deux autres gars de l'informatique. Ils sont déjà sûrement en train de plancher dessus. Bah écoute, si je peux donner un coup de main, je me dépêche, je vous rejoins, comme ça la fête sera pas trop gâchée. Tu vois que les gardes, eux, ils se lèvent en même temps que toi, a priori, ton mouvement vers la sortie les entraîne un peu, et ils se disent, bon, nous on va y retourner, il faut qu'on vérifie si tout se passe bien. Et il y en a un qui fait, attends, mais en plus on n'était pas en plein... Il y avait pas un camion qui était venu récupérer les trucs. Et les autres se regardent, ils sont, merde. Et ils commencent du coup à marcher très très vite vers la sortie. Ils te dépassent et a priori ils vont se séparer un peu dans les différents étages. Il y en a un qui remonte a priori vers le poste. Même s'il n'y a pas d'électricité, il va essayer de faire quelque chose. Tandis que les autres vont sûrement vérifier s'il ne se passe pas des choses dans les au rez-de-chaussée et peut-être plus bas. Ok. Tu te diriges donc vers la salle d'informatique ? Ouais, on va voir. Tu te diriges donc vers cette salle et en effet, tu n'as même pas à utiliser les clés ou quoi que ce soit. La porte est grande ouverte et à l'intérieur, tu vois un informaticien qui est en train d'essayer de régler des choses sur l'ordinateur. Et à côté, le directeur, qui est en train de grommeler quelque chose, en train de se frotter le menton. Il n'y a pas de pilosité ou quoi que ce soit, mais tu sens que c'est quelqu'un qui a pu en avoir avant parce qu'il essaye un peu de se gratter une barbe qu'il n'a plus. Et il se dit, non mais il faut aller plus vite, ça va ressembler à rien, on va être la risée du milieu. J'arrive. Monsieur directeur, que se passe-t-il? Comment ça se fait que... Qu'est-ce que vous voulez, vous? Excusez-moi, je me suis permise, monsieur. Vous savez, je suis un peu bricoleuse et j'aime bien tout ce qui est un peu électronique. Et je voyant qu'il y avait des problèmes, je me demandais si je pouvais vous aider, peut-être. Moi, s'il te plaît, un petit genre pour voir. Bah, c'est la chance que je suis bonne, hein, pour voir. 35. Tu vois qu'il te regarde et il fait... Ah, allez-y, de toute manière, deux incapables, c'est toujours mieux qu'un seul incapable. Tu vois que du coup, l'informaticien à côté, il souffle un peu, mais il regarde pas dans sa direction, il fait... Pff, et il continue à tapoter. Évidemment, moi, mon but, ça va être bien de retarder au maximum le retour de l'électricité. Tu prends une clé à molette, tu tabasses le générateur en face d'eau. Alors, pas de manière aussi frontale, évidemment. Bien. Je vais demander de nouveau un petit jet de connaissances pour te rappeler un peu de ce que t'as dit JB au sujet de comment exactement. Mais alors, de manière discrète le but si étant à venir. Le but étant que je me souvienne de comment ça marche pour évidemment ne pas faire ça et pouvoir activer d'autres trucs à côté. Tu vois, parce que l'idée c'est que mon but c'est que ça remarche pas, donc m'en fous un peu des effets que ça peut avoir. C'est juste il faut que je me souvienne de qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas, pour que je fasse pas à l'inverse et que ça se mette à fonctionner. Très bien. Et j'ai fait 10, c'est pas mal. Pas mal. On va faire un petit jet en opposition face à l'autre informaticien qui est à côté. Allez, normalement 10, je devrais pouvoir réussir à faire chier. Je suis désolé. Oh non. Il commence donc un peu à tapoter sur le petit clavier annexe, avec un petit écran annexe, tu regardes un peu les petits trucs du générateur, tu fais... T'enclenches un petit truc du générateur, t'en désenclenches un autre, t'essayes de faire « Ah ouais, ça a l'air de venir de là le problème, mais en fait t'es juste en train d'essayer d'aggraver le truc » et puis l'informaticien dit « Attends, attends, attends !» Il arrive vers toi, il relève un petit bouton et il revient vers son clavier, il appuie sur « Entrée » et voilà. Toutes les lumières se rallument. Je me fais 10. Je vais me laisser. Et je vais retourner de nouveau donc vers nos catcheurs professionnels. Donc, Ruby, tu viens de te jeter sur un des gardes, si je me souviens bien. Et Marco, tu es en train de finir le gars à côté de toi, enfin le gars qui te soutenait au sol. Les trois gardes restants, car je rappelle que du coup, à votre étage, il y en a quatre, trois qui étaient dans le poste de garde et celui qui vous accompagnait. Les trois gardes restants vont dans votre direction. L'un veut se jeter sur toi, Marco, tandis qu'un autre, a priori, va pour saisir son arme à feu à sa ceinture, sûrement plus pour vous menacer que pour vous tirer dessus. Mais la situation reste grave. Comment réagissez-vous ? Je mets les masques à gaz. Il ne reste que quelques secondes à tenir normalement, donc nous, il faut pas qu'on tombe non plus. Pour l'instant, je retenais ma respiration, mais là, ça peut être possible, donc masque à gaz. Très bien. Et j'envoie à Marco le tien. Du coup, ça nécessite que tu relâches un peu l'emprise sur le gars sur lequel tu t'es jeté. Bah, ouais, je vais essayer de le jeter contre les autres qui sont sur le chemin, pour le mettre entre eux et nous. Très bien, donc tu pousses un peu le type. Marco, tu te relèves aussi pour saisir ton c'est masque, si je comprends bien. Bah ouais, mais bon, après, j'étais dans une salle mêlée, donc... Je sais pas si ça le fait. À toi de me dire si tu priorises le masque ou si tu continues la mêlée. Ah bah, le masque, clairement. Ok, très bien. Donc, vous sortez vos masques. Ce sont pas des masques incroyables, hein, parce qu'il fallait que vous puissiez les cacher dans votre uniforme, ce genre de choses. Donc, c'est pas les masques intégrales, c'est pas quelque chose qui vous protège vraiment incroyablement, mais cela va permettre de temporaliser s'il y a fuite ou... Donc vous enfilez vos masques, tandis que le type qui venait de se jeter sur vous, on va faire un petit jet, parce que du coup vous n'avez pas moyen de l'éviter vu que vous priorisiez vos masques, il se jette sur toi Marco, et en réalité, par véritable chance de ton côté, tandis que tu es en train de mettre ton masque, en fait tu bouges ton coude dans un sens, et juste il se le prend dans le plexus en venant pour se jeter sur toi. Ça ne le met pas KO, mais ça le fait en fait reculer, croyant s'être pris une prise de karaté. Tandis que le garde, lui, qui est en train de sortir son arme, a eu le temps de la sortir et de la pointer vers toi, Ruby. Et il gueule « Bouge plus ! Bouge plus ou je tire !» Ok, je m'arrête de bouger, je le regarde. Ok, on va y aller doucement. Aucun... Marco, est-ce que tu continues pendant ce temps à... la mêlée, ou est-ce que tu t'arrêtes aussi, même si tu n'es pas visé? Bah ouais, je vais lever les mains en l'air, tout en reculant. Très bien. Je te laisse continuer, Ruby, vu que tu voulais dire quelque chose, il me semble. Ouais, je lui dis doucement, du calme. Et je recule un tout petit peu très lentement. Mm-hmm. Quand il fait ça. Tu continues très lentement et il te fixe, mais de temps en temps il jette un peu des petits coups d'œil vers le sol pour regarder un peu ce que t'as balancé, parce qu'au final il n'a même pas eu le temps de regarder. Mmh. Et il regarde un peu, il fait c'est quoi ça? 10 9 Et je vais en profiter. Quoi, tu cours que... je crois que. On est d'accord, le gaz est en train de se répandre. Il est en train de se répandre en effet. Franchement, je vais mimer que c'est une grenade et je vais faire un Marco à terre et je vais me jeter au sol. Très bien. Donc tu te jettes au sol, Marco, j'imagine que tu suis le mouvement. Tu te jettes au sol, tandis que du coup, un des gardes réagit lui aussi, se jette complètement au sol. Il y en a un autre qui se jette sur le dispositif, comme s'il avait des réflexes de l'armée ou un truc comme ça pour protéger ses amis. Et l'autre qui, avec son flingue, lui par contre, a même pas le temps de réagir, il était tellement déjà dans l'immédiateté qu'il n'enregistre pas la nouvelle formation. Il reste immobile, a continué à te viser tandis que tu te jettes au sol. Et le type avec que tu avais déjà chloroformé directement avec un mouchoir finit de se mettre, de tomber au sol, enfin finit de s'endormir, tandis que tous ces gars-là qui se sont jetés au sol essayent de se relever après avoir compris que, a priori, la grenade n'explose pas. Mais il n'y arrive pas. Le seul gars qui reste encore debout, c'est le type avec son arme, qui devise toujours Ruby, même si t'es au sol, qui chancelle un peu et qui fait « Bougez pas où je tire, je vais tirer, je vous préviens !» D'un seul coup, je tire le chariot pour le rapprocher de moi et me cacher un peu derrière. D'accord. Je vais te demander un petit jet de dextérité, parce que c'est quand même un geste un peu brusque qui peut être assez mal interprété et peut-être qu'il va réagir plus vite que toi. 36. Ok, tu prends le chariot, tu le poses devant toi, immédiatement t'entends un tir. Ça résonne véritablement, et dans une zone qui est censée être un peu isolée du reste du bâtiment, donc le son il se barre pas par la fenêtre ou quoi que ce soit. Donc vous avez l'acouphène qui sonne, qui résonne dans vos oreilles, tandis que le type vient tirer, et vous l'entendez chanceler toujours, et vous dites je vais pas, meilleur employé du mois, et vous l'entendez s'effondrer. Je relève Marco, je lui tourne la main, je lui essaie de le tirer. Et on se dirige directement au niveau du coffre. Alors oui, il faut se diriger vers le ski, où est-ce qu'il contrôle et qu'il ouvre le... Oui, en effet, en sortant de la zone des gardes, vous remarquez directement que le grand coffre est refermé. A priori, la fermeture est automatique après un certain nombre de secondes si on le garde pas ouvert manuellement. Et ben on va fouiller l'autre. Avec quelqu'un avec le code. Très bien. Donc vous fouillez le type, donc Marco s'était occupé de tabasser jusqu'à l'inconscience, c'est le seul qui a eu le privilège de ne pas goûter au gaz. Vous en sortez la fameuse carte, seul problème, en plus de la carte, il faut bel et bien le code pour le pavé numérique. Pour le grand coffre, hein, je veux dire, hein. Pour ce qui est de la partie informatique, peut-être que cette carte suffit. Vous me dire ce que vous souhaitez faire. Qu'est-ce qu'on fait, putain, Marco? Eh, c'est quoi ce bordel, tout ce bruit là? Vous déconnez ou quoi là? J'ai l'impression que vous faites la guerre. Ils ont un générateur de secours. Ils ont. Non, mais ça, j'ai compris qu'il y avait un générateur. Normalement, vous étiez censé rester dedans. Vous êtes où là? Grouillez-vous, putain. Faire. Et le coffre, vous êtes dans le coffre là, ça y est? Non. Eh ben, allez-y. C'était fermé. Demande à comment ça c'est fermé? Vous avez 5 secondes pour discuter avant qu'un autre événement impromptu se produise. Attendez, hey, regardez, fouillez le mec. Ça se trouve, il garde le code sur lui là. Dépêchez-vous. Mais... Ça l'a déjà fait. Quoi, vous l'avez on déjà m'a dit qu'on l'a fouillé. Hein. Je l'ai fouillé, je demande à JB les codes encore une fois. Oui. Très bien. Donc, en train de les fouiller, t'essayes de demander à JB quels sont les codes. Seul problème, je te le dis JB, c'est que tu n'as pas eu accès au système encore. Il faudrait que quelqu'un comme Yasmine, par exemple, à qui t'as sûrement passé de quoi t'introduire dans le truc en le mettant dans le système informatique pour que tu puisses commencer à hacker le système. Mais elle n'a pas encore eu l'occasion de le faire a priori. Je vais simplement vous annoncer, pour les gens qui sont dans le sous-sol, que vous entendez des bruits de pas venant de la zone de check-in. A priori, un des gardes du dessus est en train de descendre vers le sous-sol, il est dans l'escalier. Je vais remonter vers Yasmine. Yasmine, de ton côté, je vais pas te mentir, la situation vient de se tendre. Pas seulement parce que les lumières viennent de s'allumer, mais parce que tout le monde a commencé à entendre un tir résonner. Je joue en fait la même réaction que les gens dans la salle. Voilà, je me fonds dans la masse. Et je sais pas du tout, du coup, est-ce que l'urgence est de donner accès à JB ou quoi. J'avoue que là, je sais pas vraiment comment réagir. Et je regarde déjà comment eux réagissent déjà pour, à la limite, pouvoir les prévenir. Eh bien, le directeur, non, lui, reste immobile. Il est simplement surpris. Il reste immobile. C'est pas lui qui est censé faire des choses de toute manière dans ce genre de cas-là. Tout ce qu'il a à faire, c'est se cacher dans son bureau. Tandis que l'informaticien qui est à côté de toi, lui, se lève et il dit il faut aller prévenir les collègues. Et il commence à aller pour sortir de la pièce. Pendant ce temps, tu remarques dans le couloir... Je suis le pas, ouais. Tu le suis, tu remarques dans le couloir, il y a un des gardes, le second garde du coup qui était resté un peu dans les parages, qui commence lui aussi à se diriger du coup vers l'escalier pour descendre. Il reste un seul garde plus ou moins dans tes étages, c'est celui qui est de nouveau au centre de surveillance, qui a sûrement de nouveau accès à ce qui se passe dans les étages. Je vais aller au centre de surveillance. Ok. Tu diriges le centre de surveillance, tu ouvres la porte du centre de surveillance, a priori il l'a laissé entrouverte dans la panique et ce genre de choses. D'ailleurs il pouvait pas se permettre de le fermer magnétiquement vu qu'il n'y avait plus d'électricité au moment où il y est retourné. Et il se tourne vers toi et tu vois que il a les yeux pétillants. Il a l'air un peu amoché par la boisson qu'il a prise, ça a pas l'air d'être quelqu'un qui résiste tant que ça à l'alcool. Il regarde sa réaction, il fait j'ai un souci, je crois qu'il y a des gars dans le sous-sol qui font et je crois qu'ils ont buté des types. Quoi, comment ça? Ouais, je vais me faire renvoyer parce que j'étais pas là. Euh, Très bien. Voyant qu'il est totalement inutile, en vrai, même si je ne suis pas quelqu'un qui est habitué d'utiliser la force physique, je veux défoncer son crâne. Je ne sais pas si j'ai un truc qui traîne à côté. Je pense que tu peux saisir sans même trop qu'il remarque la. Genre. Que ce soit une chaise ou un pied. Enfin, non, pas un pied de table. Une matraque. Il est dans le poste de sécurité, il peut trouver une matraque. Une des matraques télescopiques qu'il y a dans le truc, ou, si tu le veux, le. Comment on appelle ça, l'extincteur qui est à côté de la porte, tu peux le prendre. Et... L'extincteur, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de force, hein, je pense, pour niquer un crâne avec. Donc, je prends l'extincteur et. Tu prends l'extincteur, tu t'approches de lui, il fait « Il y a le feu !» C'est bon, j'ai de force. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Bon, 32, mais je suis mauvaise. Il est bourré. Ok. Et il est bourré. Très bien, donc tu prends, tu arrives au-dessus de lui, et tu vois qu'il te regarde avec de grands yeux interrogatifs, tu lui fais tomber. L'instincteur sur le crâne, tu vois qu'il s'effondre au sol. Il est toujours un peu là, mais juste il est comme ça, il est en train de faire que... Deuxième coup. Deuxième coup, tu le refais tomber, je te refais pas des jets de force, quoi que ce soit, tu le refais tomber, tu le soulèves encore, hein. tu le refais tomber, il ne bouge plus. Ok. Il est mort. Et maintenant, je le cachais quelque part dans la pièce, n'importe où. Tu le prends par les pieds, tu le fais glisser jusqu'à l'espèce de grand casier dans lequel ils mettent toutes les matraques, les armes et ce genre de choses. Parfait, déjà je récupère une matraque pour moi et je veux le fouiller, voir s'il y a une carte d'accès, n'importe quoi, vu que c'est un garde de sécurité. Il y a en effet une carte qui a accès à la majorité des choses. Parfait, je chope du coup sa carte, je chope une matraque pour moi que je vais cacher dans, dans mon dos, un truc comme ça, et je referme le placard. Hein. Et voilà, déjà pour ce moment-là, géré. Déjà, il y a un garde en moins pour faire chier. Et je vais essayer, je pense, d'aller immobiliser les autres comme je peux. Très bien. Pendant ce temps, Pi, toi qui es toujours à l'extérieur, qui est accompagné de JB et ce genre de choses, tu écoutes tout ce plan s'effondrer à cause d'un tout petit détail, enfin peut-être de deux petits détails, qui se sont suivis au mauvais moment, et tu te rends compte aussi qu'a priori, le malware qu'a fait passer JB pour ce qui est de la ville, l'électricité de la ville, tout ça, semble ne pas avoir été aussi efficace que ça. Quelqu'un de plus efficace que lui, sûrement, travaille dans le système électrique de la ville, et la ville est réallumée. Peu à peu, les lumières se rallument, et cela signifie sûrement, dans peu de temps, la fin des distractions pour la police. Puis, entend peut-être aussi ma voix lui dire l'autre bout du truc, un truc du type on a besoin de 5 minutes de plus. Dans 5 minutes, le coffre est ouvert. Ce que je vais faire, c'est que dans l'urgence, là il y a vraiment une urgence, il faut faire quelque chose, sinon le plan il est foutu, hein, finalement. Et on peut clairement pas ne pas y arriver. Donc j'ai bien entendu qu'ils avaient neutralisé tous les mecs qui sont en bas et qu'il en restait en haut. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je demande à JB de rester là où il est. Je vais mettre un masque de Black Mask que j'avais quand même gardé avec moi. Et je rentre à l'intérieur. Ok. Tu t'aventures donc à l'intérieur. Comme je l'ai dit, donc, dans cet environnement gothico-moderne, tu avances peu à peu, lentement. Tu traverses le couloir. Qu'est-ce que tu vises à trouver ? Est-ce que tu vises à aller dans le sous-sol ? Est-ce que tu vises à monter les étages pour trouver d'autres gardes de la sécurité ? Alors moi, ce que je vais faire, c'est d'abord essayer de faire en sorte de neutraliser toutes les personnes qui seraient susceptibles d'aller vers le sous-sol. Étant donné que déjà les gardes qui sont sous-sol sont neutralisés. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est je vais en profiter pour essayer de communiquer avec Yasmine et savoir où elle en est de son côté, qu'est-ce qui se passe de où elle est et qu'est-ce qui se passe pour elle. En même temps que je commence à avancer, mais en mode, tu sais, j'y vais pas comme un bourrin, je regarde quand même où je vais, je veux pas non plus me faire griller. Donc en même temps, je communique avec Yasmine. Yasmine, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Sur les trois gardes qui sont au rez-de-chaussée, je viens d'en immobiliser un, les deux autres sont sûrement en train de venir vers vous. Et toi, t'es où, là, en ce moment? Salle de garde, là, je vais la quitter. Tu t'as vu sur les écrans tu vois les caméras, tu vois quelque chose, tu peux les localiser? Alors, j'ai les écrans, oui. Est-ce que tu peux me dire où sont les deux gardes? Est-ce que tu les vois? Ils sont actuellement, il y en a un qui vient d'arriver au sous-sol. Le premier vient d'arriver au sous-sol. Et il y en a un qui est en train de descendre du premier étage vers le rez-de-chaussée, donc il va directement vers Pi. Okay. Et le deuxième est en train d'arriver vers toi, du coup. D'accord, mais on est d'accord que ce que j'entends, les deux autres l'entendent aussi. Que ce soit Ruby et Marco, on s'entend tous. Donc ça sert aussi pour eux savoir qu'il y a un gars qui arrive à leur niveau en ce moment même. Et moi, je vais essayer d'intercepter celui qui est en train de descendre en mode... le sneaky par derrière, tu vois, genre lui il va aller là, je vais essayer de, comme je sais que lui il arrive, que lui il sait pas que je suis là, et essayer de le sneak par derrière, quoi. Voilà. Très bien. Tu arrives donc, tu avances donc tactiquement dans ce couloir, tu attends à côté de l'escalier vers lequel il est censé arriver, et tu entends ses pas lourds, il est en train de se précipiter vers en bas, cependant. Il n'arrive pas, tu l'entends s'arrêter. A priori, peut-être 3 marches avant qu'il soit visible de toi. Bah écoute, j'attends. Je vais pas. Je sais pas ce qu'il va faire, donc tant qu'il fait rien, je ne fais rien. Écoute, et a priori, c'est un peu le silence pendant un petit moment. Pendant une microseconde, et il dit: t'es là? Je t'entends plus. Et tu l'entends qui, a priori, repart vers le haut des escaliers. Ok, bah du coup, je prends l'escalier dans sa direction et du coup, je vais le gripper et le faire chuter et le smash, bim, avec un coup de crosse. Tu le chopes donc à l'arrière du col, tu le fais tomber dans le bas des escaliers, tu le fais arriver au rez-de-chaussée, tu arrives derrière lui. Et tu commences à le frapper. Donc, un coup de crosse, quoi. Avec la crosse de ton arme, jusqu'à qu'il soit KO ou jusqu'à qu'il en meure pissé. Non, peut-être pas quand même. Mais... Ah, on sait jamais, c'est les massins qui diront. Et du coup, dès que j'ai fait ça, je vais en profiter pour descendre vers la salle. Puisque du coup, logiquement, si j'en crois les dires de Yasmine, il ne reste plus que le dernier garde qui lui est en train de descendre vers la salle du rez-de-chaussée. Bah, le sous-sol. Donc je prends le sous-sol. Donc tu vas partir pour le sol. Donc Ruby et Marco, maintenant que vous êtes dans le sous-sol, que vous avez le choix entre prioriser la salle informatique ou prioriser le coffre, ou prioriser la personne que vous savez être en train de venir vers vous pour vous arrêter, que souhaitez-vous faire? Personnellement, j'en ai absolument rien à foutre du type qui est en train d'arriver vers nous. Limite, je laisse Marco s'en occuper si jamais ça lui chante. Actuellement, moi, j'ai ma main dans la bouche du type qui nous avait ouvert le coffre et je lui arrache une dent pour le réveiller. Je suis complètement en train de paniquer, c'est la merde, il faut qu'on se tire au plus vite. En plus, je viens d'apprendre que la ville vient de se rallumer. Je lui arrache une dent, je l'ai collé contre la porte du coffre. Je vais, s'il te plaît, te demander... Je sais pas quel est ce jet, qu'est-ce que c'est un jet de torture? C'est. Oh, test de force, sinon. Enfin, oui, comme... Ouais, allez, un petit test de force, disons. Ouais. Bon, bah 96, putain, il fallait que ça arrive maintenant, merde. Essaye en fait de le saisir, et en fait, juste tout ce que t'as, c'est juste que sa bouche est extrêmement remplie de salive, et t'arrives même pas à saisir ses dents, ou soit tu glisses sur ses. Est-ce qu'il y en a un qui a l'air un peu plus éveillé que les autres? Genre qui a l'air moins endormi? Le gars qui avait son arme il y a pas si longtemps que ça, il est toujours un peu. Il est allongé au sol et il est en train de baragouiner quelque chose. Je lui file mon masque. Je prends la tête de l'autre, du coup, littéralement, tu sais, j'avais ma main dans sa bouche, je l'attrape par la langue. Je la colle face à lui, je le prends son flingue et je crois que je pète un câble, je lui tire, je lui colle le flingue. Je sais pas si c'est des tasers ou si c'est des. C'est un flingue, c'est une rifle. J'éclate le crâne du type devant lui et je lui hurle « C'est quoi le putain de code ?» Ok, donc tu fais sauter le... Pas celui du garde, non, celui qui vous parlait, donc tu le butes. Ouais, celui que j'arrive pas à réveiller. Ok, donc tu lui tires une balle dans la tête, ça serait trop long de les menacer, on a plus le temps. Il y a son sang qui se répand immédiatement comme une espèce d'auréole sacrée autour de sa tête. Tandis que le gars qui est en face de lui commence à... Je connais pas le code. Donne-moi le putain de code, je le pointe vers la tête. Non, s'il vous plaît, je connais pas le code. C'est... Nous, on fait... Le code, c'est les gars de... Avec les costards qui le connaissent, c'est pas moi. Tu vois qu'il est complètement en train de bailler. Me tuez pas. Les gars en costard, il y en a encore un deuxième vers nous. Non, il y en a qu'un seul, c'est le gars que tu viens de buter. Il n'y en avait pas deux? Non, il n'y en avait qu'un seul. Celui qui vous... Il y avait deux personnes qui vous accompagnaient, ouais. C'était un garde et un gars en costard qui est celui qui avait la carte et le code, etc. Tu viens de lui faire sauter la tête. Ok, dommage. Bah, de toute façon, du coup, tout le monde a entendu, j'imagine que j'ai pas le droit à une troisième action. Ouais, Marco, qu'est-ce que tu souhaites faire pendant ce temps? Bah, je vais aller en embuscade dans pour choper le mec qui descend dans l'escalier. Ok, ouais. Alors, seul problème, vous avez pas accès à la salle du check-in, parce que les deux portes qui vont directement du couloir sont fermées. La porte du poste de garde vers le check-in est fermée. Il faudrait prendre le temps de fouiller un des gardes pour trouver la clé et ouvrir la porte directement. Donc ça risque de te faire perdre un peu de temps. Tu le prendras sûrement pas en embuscade. Je pense à préciser aussi à mon tour, du coup, juste, j'imagine c'est passif. Du coup, j'explique aux autres, genre très rapidement, surtout sur le vocal. Je leur dis, il nous faut le code, c'est les gars en costard qui l'ont. Que vous ayez pas entendu, le nôtre il est endormi et de toute façon là il va dormir pour toujours donc il se réveillera pas. Filez-nous le code et. Ok. Marco, tu disais que tu voulais faire quoi? J'ai pas entendu du coup par rapport à la clé et tout ça. Tu veux les fouiller? Ouais, sans doute essayer de fouiller un cadavre, ouais. Okay. Je vais te demander s'il te plaît un petit jet de chance pour voir si tu tombes sur le bon garde rapidement. 38. J'ai en chance. Il me semble que t'as neutre. Ok. Non, j'ai très mauvais. Donc du coup, tu fouilles un premier garde. Merde, c'est pas celui-là. Tu chopes sur le deuxième. Merde, c'est pas celui-là. T'arrives sur le troisième. C'est celui-là. Tu chopes la clé, tu te relèves. Et tu vois que le type qui est en train de descendre l'escalier est déjà dans la zone de check-in. Il est en train de pointer son arme vers vous. Il sait que la porte est blindée, mais il pointe l'arme vers vous. Et il fait « Bougez pas! Bougez pas !» Attends, je t'ouvre. Il s'approche de la porte et il fait je bougez. Et tu vois arriver derrière lui une ombre avec un masque noir. Et puis je vais te demander s'il te plaît un petit jet de force. Okay. Ce garde là, il faut l'avouer, est assez costaud physiquement. Bon, après j'ai une arme en main, au pire si ça fonctionne pas, je le braque à mon tour hein, mais... alors, un jet de force, et moi en force, j'ai combien? Je m'en rappelle plus. En force, j'ai moyen, et j'ai fait 33. Tu lui donnes un grand coup de crosse, il tombe au sol, il se secoue, il essaye de se relever un peu, il est complètement patraque. Tu lui en redonnes un deuxième, et il s'immobilise au sol. Donc, on est d'accord, j'ai entendu... tout ce qui s'est dit entre on a plus les codes et machin, tout ça. Exactement. Okay. Donc j'imagine que Yasmine a entendu. Et du coup, j'ai dit, Yasmine, il faut absolument que tu ramènes le directeur ici. Trouve une idée à la con, une excuse pourrie. Lui, il doit avoir les codes pour ouvrir le coffre, c'est obligé. Ramène-le ici. Dis-lui qu'on a des otages. Non, lui dis rien de tout ça. Trouve une excuse qui descende. On lui fera ouvrir le coffre, vite. C'est dommage qu'on ait pas pris le plan qui consistait à prendre otage dès le début. Mais... Right. Est-ce que je peux faire un petit équivalent de jet de bureaucratie, mais pour savoir si effectivement le directeur est en connaissance? Je pense qu'il est possible que ce soit pas le cas. C'est le directeur, ça veut pas dire qu'il doit gérer la sécurité. Justement, par sécurité, il se peut qu'il connaisse pas ouais, ce genre de procédure. Les directeurs de banque ont les codes des coffres, non? Fais-moi, s'il te plaît. Ah, je sais pas. J'aimerais juste savoir un jet de connaissance. Ce que j'en sais. 25. T'as très mauvais. J'ai très mauvais. T'avais quand même un bonus parce que t'as travaillé et t'as fouillé un petit peu. Ok. Mais de toute manière, ça marche quand même. Tu sais en effet que le directeur n'est pas au courant des codes du coffre principal. Par sécurité, en fait, en effet, il n'est pas au courant des. Il connaît les petits coffres, pour ainsi dire, ceux qui sont dans les pièces annexes des bureaux dont j'ai parlé dans le résumé sur la carte. Mais celui du code principal, il ne l'a pas. Et c'est toujours un assistant à lui ou ce genre de choses. Justement. Je suppose que moi, non, parce que évidemment, tu donnes pas les codes à genre le stagiaire là qui est là depuis un mois en période d'essai. Okay. Mais du coup, c'est qui son second? Genre l'espèce de secrétaire ou quelqu'un qui est toujours avec lui et. Son second, pourrait... son second, pour reprendre les dires de Ruby, il va dormir pour toujours. Ah putain, c'était lui! C'est à dire que dans tout le Diamond Exchange, il n'y a qu'une seule personne. Non, il y a forcément quelqu'un. Il y en a sûrement d'autres, mais ça va être plus compliqué. Ouais. Du coup, moi je demande à l'oreillette, à JB, par son pseudo, je sais plus c'est quoi le sien aujourd'hui, s'il a besoin que. Parce que je sais pas, du coup, tout à l'heure j'ai entendu parler de trucs informatiques, tout ça. Est-ce que du coup il y a besoin que je fasse rentrer quelque chose sur le réseau ou quoi? Parce que c'est un peu le moment où je suis. Essaye de faire. Parce que c'est soit. Essaye de faire rentrer quelque chose. Le problème, c'est. Non, je sais pas, mais pour que t'aies accès au système. Savoir qui est susceptible d'avoir les codes dans cette baraque, quoi. Bah c'est ça, c'est si on peut fouiller la base de données et accéder à des postes des zones d'action qui nous permettraient de savoir. Normalement, c'est dans le bureau du directeur, non? Il y a un ordi qui gère tout ça, non? Ouais. C'est une possibilité en effet. Bah je suis. Je pense que tu as oublié le directeur et que tu fous la clé USB que je t'ai filée. Normalement, je suis censé faire des choses. Ok, je vais faire ça. La fameuse clé USB. Je fonce au bureau du directeur. Ok. Avec la fameuse clé USB. Tu penses à toute vitesse vers le bureau du directeur. Pendant ce temps, Pi, Marco et Ruby, maintenant que vous êtes tous les trois au sous-sol, est-ce que vous voulez faire quelque chose, même si vous êtes quand même un peu bloqué, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi, je suis en train de paniquer complètement. Je suis recouvert de sang. J'ai mon arme fumante, je la pointe dans toutes les directions quasiment. Genre, je la lève pas en direction des gens autour, mais je veux dire, je fais des tours sur moi-même. Et je fais que de balancer un jour, je fais putain. Moi, je demande à ce qu'il m'ouvre. Juste qu'il m'ouvre le check-up. Oui, let's go. C'est ouvert. Voilà, je vais faire en sorte de bloquer les portes pour pas qu'elles se referment. Avec tout ce qui va me passer sous la main pour faire en sorte qu'elle ne se referme pas. Et je vais amener le garde dans le poste de garde que je vais foutre dans un coin. Et je vais leur dire qu'il faut tous les mettre là-dedans en attendant. Pour essayer qu'il y ait le moins de choses possible. Et moi je vais marmonner en tirant les corps. La porte s'est refermée, putain, la porte s'est refermée. On aurait dû vérifier le modèle de la porte qu'ils avaient utilisé pour construire le coffre. C'est vrai. Puis on va. Moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de voir s'il n'y a pas, tu sais, les serveurs, si je peux pas avoir accès aux serveurs des caméras, des trucs comme ça, pour tout péter. S'il y a des disques durs, des machins pour péter les enregistrements, pour pas qu'on nous voit, etc. Si jamais on devait se barrer en délouse. Ce qui va, je pense, peut-être arriver, d'avoir les choix. vu comment c'est parti. Putain, et là, je me dis, mais qu'est-ce que vous avez foutu, bordel? C'était facile, on avait tout prévu. Mais ta gueule! Franchement, si j'ai fait ça, je vais lui foutre une paire de temps. Non, mais je suis énervé, okay. Putain. Très bien, c'est tout à fait honnête. Donc, Pi, tu te mets donc à gueuler, et Marco, tu lui réponds directement d'une paire de baffes. Non, mais... Toi restez calme, moi j'ai mal pas travailler avec personne professionnelle. Toi fais pro merde, toi assumer, ok? Maintenant, mais mon plan il était super bon, mon plan! Mais oui, avec quoi vous l'avez buté le type qui avait le code? Vous ne pouvez pas juste assommer? Mais ferme ta gueule! Maintenant, évacuation, tu vas comprendre! Putain! Il a pas un téléphone portable! pendant qu'il parle et que déjà il s'écoute pas, il y a moi-même qui répond aux deux en même temps. Et je dis mais putain, le type, on l'avait endormi, le type. Putain, c'était parce qu'on a suivi le plan. Mais ce qui était pas dans le plan, c'est la porte qui se referme, bordel. Mais ça, je peux pas deviner. Je vais demander à l'un de vous trois de faire un jet de chance pour vous trois. Genre un seul. Pas moi, un événement qui est critique. Je voulais. Très mauvais, moi, chance. Ah, bah, c'est 21, 21, j'ai fait 21. T'as fait 21? Ouais. Ok, pas mal, très bien. Je vais passer du côté de Yasmine. Yasmine, pour l'instant, donc, tu t'es précipité vers le bureau du directeur. Et en arrivant dans le bureau, tu t'attendais peut-être à le voir, mais personne. Pff, tant pis, c'est pas le moment de réfléchir, je vais sur le PC. Très bien. Tu passes sur le PC, je vais te demander 2G, un G d'attention et un G de connaissance. En attention, c'est pas ouf. Je sais pas combien j'ai par contre. Tu as. Bon. 22 en connaissance. Ok, très bien. Donc tu. Première chose, en attention, donc tu regardes un peu autour de toi, tandis que t'es en train d'allumer le PC, d'insérer ce qu'il y a à insérer. Tu remarques que le petit coffre-fort du bureau du directeur, qui est juste en dessous de son bureau normalement, est ouvert. Il a été vidé. Enfin, il y a quelques papiers, un peu un truc comme ça, mais il a été vidé. Presque sûr qu'il y a une arme. Tu continues cependant de tripouiller un peu dans l'ordinateur. En effet, tu sais que ce genre d'ordinateur, surtout dans des endroits comme ça, sont un peu sécurisés. Il suffit pas de juste mettre une clé USB et ça y est, le truc se répand. Ils sont, pour ainsi dire, il y a une machine virtuelle qui est le véritable ordinateur sur l'ordinateur, pour ainsi dire. Donc tu essayes de te souvenir un peu de ce que t'as dit JB sur les possibilités de sécurité qu'il y a. Et cette fois-ci, tu t'en souviens assez bien. Il semblerait que ce soit de cette partie-là que tu t'es bien souvenu et non pas de la partie pour couper le courant. Donc tu finis par arriver à l'intérieur de la machine virtuelle, tu actives du coup la partie de la clé USB et tout se répand, le venin de JB se répand à travers tout le système informatique du Diamond Exchange. Est-ce qu'il y a besoin de laisser la clé longtemps ou une fois que ça se répand, je peux la retirer et partir Tu peux la retirer et partir. Ok, je retire la clé et je me casse. Ok, très bien. Ne pas rester là, ce serait suspect de ouf. Et je cherchais le directeur, je savais où il est, ce con, je suis pas sûr qu'il est armé. Et tu commences à ouvrir toutes les portes de bureau à la recherche du directeur. Pendant ce temps, JB, donc, toi, tu as un peu quitté ton poste de garde, tu es rentré de nouveau dans le camion blindé de Lock Us, ou Lock In, je sais plus ce que j'ai dit. Lock Us, il me semble. Et tu as sorti de sa petite cachette ton petit ordinateur portable, celui-là sur le qui est relié au malware que tu as donné à Yasmine. Tu te prépares à faire ta magie. Je vais te demander, s'il te plaît, un petit jet de connaissances avec tes bonus de informatique, hacking et ce genre de choses. En te rappelant donc que ta mission est de découvrir les mots de passe. Je fais 60. 60, ok. Lui va, donc c'est assez compliqué, il faut l'avouer. Comme je l'ai déjà dit, le système de sécurité de la banque, c'est celui de Ghost Software, un des systèmes de sécurité les plus avancés de Gotham, que dis-je, du monde en réalité. C'est un des leaders de la sécurité informatique dans le monde. Donc t'as beaucoup de mal, tu travailles, t'as souvent des contre-attaques à faire, pour ainsi dire, pour parler de manière comme si le hacking était un jeu vidéo. Et tu avances cependant, tu entends derrière toi une arme qui s'enclenche. Et t'entends, qu'est-ce que vous faites ? Je me retourne. Tu te retournes et tu vois ce qui semble être le directeur. Tu ne l'as jamais vu, mais c'est ce qui semble être le directeur. Avec une arme, un simple petit revolver de poche, ce genre de choses qu'on peut cacher dans une poche, ce genre de choses. Qui te pointe comme ça et qui fait... Qu'est-ce que vous faites ? Je suis sur mon ordi. Je surveille le camion en même temps. Écartez-vous de ça, Il faut se mettre à l'abri. On est déjà à l'abri, monsieur. Dégagez de là où je tire. Ok. Tu quittes l'ordinateur du... Ouais. Ok. Tu te relèves et il fait... Je savais que c'était étrange quand je vous ai vu là par la fenêtre avec votre tête de dégénéré. Allez, descendez du camion maintenant. Est-ce qu'il agite toujours cette alarme comme ça? Ouais, il agite dans tous les sens. C'est quelqu'un qui a l'air de parler avec des gestes et il le fait aussi avec son flingue. Ok, ben je prends mon HK et je lui tire dedans. Je lui fous une grosse rafale. Ok. Je vais te demander, s'il te plaît, un petit jet, parce que c'est quand même un truc que tu fais sans viser et tout ça, tu le fais immédiatement dans le feu d'action. Un petit jet de dextérité. Non. Ouais, non, oui, c'est plus de dextérité que d'attention parce que tu vises pas. 48, je sais pas combien de. Et dextérité, tu as bon. Ok. Donc tu prends directement l'arme du coup qui est accrochée à ta tenue de garde et tu pars une rafale, il tire, sûrement sous le coup du coup de la surprise, de se prendre des balles et ce genre de choses. Et t'entends la balle ricocher à l'intérieur du camion, mais tu ne te sens pas a priori touché ou quoi que ce soit. Lui, il tombe au sol. Il est de toute évidence mort ou en train de mourir. Je regarde si je me suis pas pris une balle. Regarde, tu t'es pas pris de balle. Pendant ce temps, les autres à l'intérieur vous attendez. Normalement, d'après les nouvelles de Yasmine, vous devriez avoir ce code. JB est censé avoir le code, il est censé vous le communiquer. Je vais redemander à l'un d'entre vous de refaire un jet de chance, s'il vous plaît. Allez, je m'y colle, c'est on va essayer de rompre la malédiction. 73. Ok. Vous attendez donc le code, tandis que JB est en train de se remettre sur son ordinateur pour pouvoir vous donner l'information, et vous entendez un tir. Ok, Marco il va monter... Le tir n'est pas celui du directeur à l'extérieur, le tir est dans la même pièce que vous. Ruby, tu tombes au sol. Tu sens une grande douleur qui se répand au niveau de ton bassin, pour ainsi dire. Les deux autres vous regardez autour et vous voyez que le type, celui qui avait l'arme à feu, celui qui était le dernier à s'être endormi, a juste à moitié réveillé, toujours allongé au sol, mais en fait a juste récupéré son arme qui était à côté de lui et l'a tendue vers Ruby. Il semble avoir tiré. Bon, on les avait pas mis dans le bureau. Il s'est relevé, il a réussi à se lever et à tirer, c'est ça? Putain. Alors dans ce que vous m'avez dit, vous avez pas quitté le bureau du poste de garde. Vous m'avez dit que vous attendiez et que vous tourniez en rond. On vous donne des informations. Ah oui, d'accord. Non. En fait, pour moi, j'avais dit qu'on mettait juste les mecs dedans. C'est trop tard. Je commence à me retenir de hurler. Je retire mon masque et je commence à me tordre de douleur et j'appelle au secours mes camarades. Je fais putain. Moi déjà je neutralise, je vais directement parce que j'imagine que l'autre il est dans le pâté quand même. Neutraliser le mec avec son arme, on lui met du joint, un gros shoot dans la tête et je vais virer toutes les armes qui soient hors de portée et tout de suite après me précipiter vers Ruby et voir ce qu'elle a. Je ne te demande pas de G ou quoi que ce soit pour ça, c'est pas compliqué de mettre KO un type qui était déjà en train de lutter contre les effets de gaz soporifique. Donc tu te précipites vers Ruby en essayant de la garder consciente, d'éviter qu'elle perde trop de sang. Pendant ce temps, JB, je vais te redemander de nouveau un jet d'informatique, car en effet ton effort a été interrompu par le directeur, il va falloir reprendre à zéro si tu veux pouvoir avoir accès au code. Marco, si tu veux faire quelque chose, c'est aussi le moment de me le dire. Pini s'occupe du gars. Je vais juste mettre mes mains sur la blessure de Ruby pour empêcher l'hémorragie. Donc tout le monde s'attarde sur Ruby. Ah non, mais tout le monde est sur Ruby. De quoi? Tout le monde est sur Ruby. Oui. Tous les deux, quoi. On est à son chevet. Moi, je vais monter au camion. Monter où? Camion. Ok. Ah bon? Donc tu quittes le sous-sol, tu vas au rez-de-chaussée, tu vas vers le camion. Et tu y retrouves JB qui est en train de pianoter à toute vitesse sur son, clavier, tandis que devant, devant la porte arrière du camion, il semble y avoir un type allongé qui a été criblé de balles. Ok, je lui fais... JB, on a besoin de toi en bas. Vite, vite. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Plan PC et tout, Ruby touché. Mais là, j'ai du mal à... Inquiète ça, je vais pas faire la même chose en bas. Si. Ramenez-la, les gars. Les secours, non. Quelques secondes. Moi, je prépare camion pour sortir. Toi, tu vas aider à récupérer diamant. Change mon plan. Ok. Je prends mon PC, je le mets dans le sac, je rarme mon arme et je descends. Bien. Tu fais tout ça en vitesse. Tu quittes les lieux, tu laisses le camion à Marco. Je ne sais pas s'il redescend. Mais par contre, je mets le casque, tu sais, de. Le ouais. Truc que... Marco, tu redescends avec lui ou tu restes au niveau du camion? Non, bah du coup, moi, je vais me mettre à la place du chauffeur et je vais... Okay. Ouais. JB, donc, tu descends à toute vitesse. Tu te repères un peu dans ta tête au niveau des plans. T'as essayé de les mémoriser. T'arrives au sous-sol. Tu vois Ruby qui est au sol, en train de perdre du sang. Il y a Pi qui est au-dessus d'elle, en train d'essayer d'éviter, justement, qu'elle soit en hémorragie totale. Tu vois un type qui, a priori, a été tiré une balle dans la tête, un autre qui a eu la tête à moitié déboîtée d'un énorme coup de pied de la part de Pi, sûrement. Qu'est-ce que... Tu te remets sur ton PC, tu... Dépêche-toi Dépêche-toi avec ce code, bordel. Je lui ai dit de me monter avec l'autre pendant que je fais le code. Même si je sais que je vais pas y arriver, vu qu'il y a... Tu veux monter quoi? Je lui ai dit de monter Ruby dans le camion. Ah, d'amener Ruby dans le véhicule, c'est ça tu dis? Ouais, c'est pas plus mal. J'essaie de la soutenir un petit peu et j'essaie de la ramener assez rapidement pour la mettre à l'arrière du camion. Ruby, je vais te demander un petit jet, s'il te plaît, de constitution. Yes. 92. Et tu es mauvaise en constitution. Donc tu vois, dès que Pi te prend et commence à te soulever, tu sens presque tout ton abdomen se déchirer. T'as l'impression qu'on vient de te couper en deux. Ça crie. Je me mets à hurler. Tu hurles de toutes tes forces. C'est limite, tu commences à voir noir des décharges électriques. Tu commences vraiment à tomber dans les pommes. Mettre encore plus de poids sur toi et sur Pi. Je sais. Tu mets toujours pas ta douleur. Ce que je fais. C'est que je sais que Ruby, parce qu'on en a parlé avant qu'on commence, avait placé dans certains éléments de son truc les fameuses trucs pour endormir là. Donc j'en prends une et je lui pousse dans la tronche pour qu'elle arrête de crier et je l'endors en fait. Ok, donc de Ruby, tu vois, tu te fais asphyxier par ta propre concoction. Tandis que du coup, toi, Pi, tu la prends presque sur ton épaule, quoi, et tu la transportes. Je vais te demander juste un jet de force, et ensuite je vais passer à JB de nouveau. Et Yasmine, s'il y a quelque chose à dire ou à faire aussi, évidemment. 5. Ok. 5, parfait. Bon, bah du coup, une fois qu'elle arrête de s'agiter, c'est très facile. Hein. Donc tu la transportes, tu la fais monter au niveau de... Non, mais là, c'est l'adrénaline. Hein. C'est, je suis en urgence totale. Et tu l'amènes vers votre fameux camion Locus. Ouais. JB, du coup, t'es de nouveau en train de pianoter. Je vais te demander de nouveau un jet informatique parce que t'as de nouveau été interrompu et en plus ton jet n'était pas très bon avant, donc t'étais pas sur la bonne piste. Et c'est le jet final. 32. 32 ? Ouais. Ok. Cette fois-ci, aucun souci. Tu vois, tu te dis, mais bien entendu, mais s'il n'y avait pas ces imbéciles qui me déconcentraient, j'aurais évidemment vu ça immédiatement. T'appuies sur 2-3 touches et ça y est, t'as le code. 9, 6, 4, 2, étoile. Je le fais. Moi je redescends après, hein. On est bien d'accord. Ok. Tu le fais direct pour le coffre directement, c'est ça? Ouais. Ok. Tu le fais directement, les portes sont en train de s'ouvrir. Rapidement, tu vois revenir Pi qui est en train de souffler, il est en train de respirer à haute haleine. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bref, il arrive comme ça, il est fatigué. Vous êtes plus que tous les deux. On rentre le chariot, hein, et puis alors j'imagine que le gars devait avoir les clés. Enfin, il y a un gars qui avait les clés, donc elles sont présentes. Vous les avez récupérées. Bah, j'ouvre. Attendez. Attendez un petit peu. Qui avait récupéré les clés déjà sur ce type-là? Bah, il était inconscient, il me semble que c'était Ruby, non? Les clés de quoi? La carte. Ouais, la carte et tout ça, tout ce qui vous permettait d'avoir accès au coffre. T'avais pris les clés ou juste la carte? Alors très honnêtement, je me demande si c'était pas Marco. Mais les clés de quoi du coup, j'ai pas capté? Moi, j'ai récupéré les clés, mais du le portail qu'on a laissé ouvert. Ouais. Bon, je vais pas vous embêter plus que ça, parce que la situation est déjà incroyable. J'imagine que Pi a pensé à récupérer la carte du coffre, les clés du coffre et tout ça, tandis que tu transportais Ruby. Donc t'arrives, t'ouvres tous les coffres, tandis que toi, Jean-Baptiste, tu commences à vider tous les coffres du coup dans le truc. Plein de diamants. J'ai envie d'une partie aussi dans mon sac au cas où. Tu sais, si jamais il y a un problème avec course-poursuite où on doit laisser le camion avec le chariot. Donc j'en fous dans mon sac aussi. Je vais vous demander à tous les deux un jet de dextérité chacun qui va décider de la rapidité de l'action avant que vous ne décidiez que ça commence à être trop tard et que vous soyez forcé de partir. 37 en très bon. J'ai fait un 1. Moi ouais, c'est pas l'idée là. Ok. J'ai pas l'idée pipée donc. C'est simple. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que Pi, tu ouvres un coffre, il est immédiatement vidé par JB. Qui vide tout, une partie dans le chariot, une partie dans son sac, quelques diamants différents dans une de ses poches, quelques morceaux d'argent, des colliers en or, ce genre de choses, il se les met même autour de lui, les colliers, il va à toute vitesse, il fait tout, il ressemble à une espèce de gangsta bling bling maintenant. Voilà, et moi il je... va à toute vitesse. Et moi en fait, donc j'ouvre et je repasse vite fait derrière. Donc il y a notre fameux tiroir secret et donc on a des faux diamants qui sont dedans et j'en remets à la place. Je vais demander, si vous voulez bien, un jet rétroactif de la personne qui voudra avoir cherché un contact, ce genre de choses, pour trouver quelqu'un qui aurait pu vous donner ça. Allez, j'y vais comme ça, mon personnage, ça y a quelque chose lors de ce braquage. Okay. Un jet de pouvoir pour toi, donc rétroactif. Eh bien, je me suis nettement amélioré puisque je passe de mon dernier jet à 92 à 91. Mais en fait, il faut jamais te faire tirer, toi. C'est un sur 4 jets de dés, j'ai fait 91, 92, 93 et 75. Alors, c'est simple, vous n'avez pas de quoi mettre des pose-pierre. Bon, c'est pas grave, de toute façon... Vous avez cherché, mais vous avez trouvé qu'un gars qui voulait vous vendre du gravier blanc. De toute façon, au pire, de toute façon, c'est grillé, on a tué la moitié du personnel, ça passera pas... Ça passera pas inaperçu. Voilà, donc je récupère le chariot, tout ce qu'on a pu mettre dedans, c'est dans le chariot, il y a aussi dans les affaires de JB, et dès qu'on a pu finir, eh ben, on se barre, quoi. Vous prenez le chariot, vous remontez directement vers le camion. Je vais seulement demander à Yasmine, si elle est toujours là, si elle compte vous rejoindre dans le camion et partir avec vous, ou faire l'innocente sur place. Étant donné que la situation a un peu changé, peut-être que le plan a changé aussi. Il y a 5 secondes pour décider, sinon il part sans. Honnêtement, non mais j'ai décidé, c'est juste que, en fait, comme je viens de fracasser le crâne d'un type, je me casse. Hein, Ok, voilà. Donc vous communiquez un peu sur le fait que vous partez. Yasmine, vous retrouvez, on se barre, dépêche-toi. Vous commencez à faire. Comment c'est pas là par-dessus Ruby quasiment. Ruby qui va me refaire, si elle veut bien, un jet de constitution, ne serait-ce que pour se tenir au courant de son état de santé. Allez, un petit 99. Vous fermez toutes les portières du véhicule, tandis qu'au loin, vous commencez peut-être à entendre les sirènes de police, ou peut-être que c'est juste votre paranoïa, tout ce qui est en train de se passer. Tout se passe tellement mal que sûrement la police a déjà mis des cordons de sécurité autour de toutes les rues. Sait-on jamais. J'ai fait 32. J'ai fait 32. Donc évidemment tu es inconsciente et tout ça, hein, vu que tu es aussi sous l'effet du gaz soporifique. Mais Marco, tu appuies sur le champignon de toutes tes forces et je vais te demander, si tu le veux bien, un petit jet ou un gros jet pour ainsi dire, de dextérité et ainsi suivi d'un d'attention. Alors dextérité 39. Mmh. Et 21 d'attention. Ok. Tu vas donc à toute vitesse. Tu te sépares très vite de tout ce complexe du Diamond Exchange. Tu t'enfonces dans l'espèce de demi-ruelle qui vous a permis d'y avoir accès. Vous arrivez sur une des routes principales et tu fonces, passant entre les véhicules, faisant quelques sens interdits à certains moments. Vous n'avez en réalité même pas aperçu l'ombre de la police durant cette fuite, mais il vous semble toujours l'avoir entendu. Difficile de savoir si c'était votre imagination ou non. Vous quittez les lieux et rapidement, vous disparaissez dans l'ombre. Vous avez donc disparu dans l'ombre ce soir-là. Ruby, tu as été de toute évidence transporté très rapidement sur un point où tu pouvais être soigné. J'imagine peut-être la clinique Leslie Tompkins où JB avait déjà été soigné selon les conseils de votre cher ami Louis Royal. Exactement. Il faut avouer que ta situation, Ruby, n'a pas été des meilleures. Tu as été gravement touché, pour ainsi dire. Et même quelques jours plus tard, aujourd'hui, tu es en très mauvaise posture. Tu viens à peine de pouvoir quitter la clinique et c'est en fauteuil roulant que tu peux la quitter avec le corps entier, enfin l'abdomen recouvert de pansements à changer tous les jours. T'as toujours des douleurs extrêmement douloureuses et sûrement des points à l'intérieur. En tout cas, tu es vraiment incapable de te tenir debout. Même avec des béquilles, ce serait trop douloureux pour toi. Et aussi, bien sûr, mentalement, physiquement, tu es extrêmement fatigué, tu as perdu beaucoup de sang, tu es dans un très mauvais état. Exceptionnellement, cependant, vous vous êtes tout de même retrouvé. Après quelques jours à rester caché chacun de votre côté pour éviter qu'on ne vous trouve, sachant que certains d'entre vous avaient été vus par les caméras de sécurité, dont peut-être sûrement Ruby, vu qu'elle avait retiré son masque à un moment dans le sous-sol, tout en ayant gardé l'autonomie des caméras de sécurité au sous-sol. Vous vous retrouvez. Et ce n'est pas pour la moindre des raisons. Ce n'est pas pour partager votre butin, décider de comment le revendre. Ça, il va falloir encore attendre quelques jours, histoire que les choses se tassent. On parle encore aujourd'hui dans les journaux, à la télévision, du massacre du Diamond Exchange, où l'intégralité, pour ainsi dire, la quasi-intégralité du personnel de sécurité a été massacrée, parfois dans des conditions horribles. Il parle d'un qui aurait été... qui aurait eu le crâne fracassé à plusieurs reprises par un extincteur, quelque chose qui est considéré comme extrêmement brutal. Évidemment, on parle de beaucoup d'autres événements, il y a des affrontements qui ont eu lieu à Arkham City directement, dans les quartiers, disons, typés un peu irlandais. La Net Security est en train d'enquêter et pour ainsi dire présente sur le terrain, ce qui a forcé une certaine diminution des affrontements. Oui, tu peux parler avec ton doigt levé si tu veux. Oui, j'avais oublié de mentionner, parce que dans tout le truc, que bon, même si on n'a pas réussi à avoir des faux diamants, j'ai quand même laissé une petite figurine dans un des tiroirs des diamants, une petite figurine du Black Mask à l'intérieur. Très bien. Cette information ne sera pas communiquée dans les journaux, étrangement. Okay. Cette fois-ci, a priori, on n'en parle pas. Mmh. La raison de votre réunion, ce soir, non pas directement au Hour Alibi, car ce serait risqué beaucoup trop de choses, disons dans une petite planque que vous avez trouvée, qu'un des coups de vos contacts vous a libéré, peut-être même que c'est Looney Royal, l'homme qui est bien au courant de ce qui se passe dans le quartier, qui vous a trouvé un petit coin sympa dans lequel vous abritez. En effet, vous avez été contacté, peut-être JB ou peut-être Pi, a été contacté par Megan et Alex, vos deux protégés qui s'occupent du Hour Alibi, car il semble que la Hour Alibi ait reçu une lettre. Elle vous l'a fait passer, et c'est la raison pour laquelle vous vous réunissez aujourd'hui. Sur la table, entre chacun d'entre vous, se trouve une enveloppe blanche, avec un cachet de cire, lui aussi blanc. Plus blanc encore, un blanc ivoire, qui est signé donc d'une baleine blanche. Bah, du coup, je prends l'enveloppe et je l'ouvre. prends l'enveloppe, tu l'ouvres devant tout le monde et tu lis peut-être à voix haute ou tu laisses à tout le monde la possibilité de voir ce qu'il y a écrit. Je vais la lire à haute voix. En quelques mots, ce qui est dit dans cette lettre, c'est que The Whale vous salue. Que The Whale souhaite avoir rendez-vous avec vous, pas seulement avec vous, mais avec tous les gens d'importance d'Arkham City. En effet, il considère la situation actuelle inacceptable. Et il souhaite rediscuter des termes territoriaux d'Arkham City avec tout le monde. Il vous donne rendez-vous dans 2 semaines à l'aquarium de Gotham City pour une réunion au sommet. Vous aurez le droit d'amener vos armes, d'amener des gardes du corps en nombre réduit, mais ils resteront, disons, à une certaine distance. Il y aura des trucs de sécurité, il y aura des protocoles de sécurité, même s'ils n'en parlent pas particulièrement dans sa lettre. Ok. Bon, bah, faut croire que ces histoires là avec les gens de l'Est, ça doit pas faire plaisir à The Whale. C'est peut-être pour ça qu'on y va. Oui, mais vous inquiétez pas, de toute façon, j'ai un plan. T'as un Parce plan. Que maintenant, il va falloir tirer les conséquences de l'échec. Et il va falloir se relever. Mais je pense que tout le monde a sa part et que nous allons réussir. Et du coup, on est quand même d'accord que quand on sera présent sur les lieux, tu seras pas avec nous. Tu seras avec eux. Nous voilà. Ok. C'est dans 2 semaines, c'est ça? Dans 2 semaines. Et alors que vous commencez à réfléchir à toutes les possibilités, à tout ce qui pourrait se passer à ce rendez-vous, à tout ce que vous pourrez, à qu'est-ce que pourraient être vos exigences aussi, vos demandes, les négociations possibles, Ruby, tu remarques sur la table, sûrement parce que tu es plus à hauteur de la table que les autres, sur ton fauteuil, un petit post-it qui semble avoir été laissé à côté de l'enveloppe par Megan, du Our Alibi, où il y a marqué pour Ruby, un monsieur chauve est passé. Il dit qu'il vous a donné quelques hommes de l'asile.